Et moi, je te jure. Et c'est un genre, vous, ah, vous rencontrez, je sais, et qui devient tout rouge en vous parlant. Ah, moi, je suis capable de le faire. C'est un monstre. Attends, il est en train de pousser dans sa couche. Si t'as une gastro le matin, que t'as un entretien l'après-midi, tu la mets la couche. Ah, non. À un moment, tu veux partir en couille, autant être. Mais ça sent. Il y a un truc qui est vachement bien, je sais, ça s'appelle les pharmacies. Et en fait, tu vois, il y a un petit cachet blanc, et tu seras plus constant. Au cas où. Pour sécuriser. T'imagines qu'il lâche une prout. Et ça pue. Un entretien. Ah, ça t'est arrivé, mine de ça, d'être en entretien d'embauche ou un moment un peu stratégique et d'avoir envie de faire caca? Non, parce que moi j'ai un mental de fou, moi. C'est pire que Koh-Lanta. Quand vraiment il y a des problèmes comme ça, je quitte à chier dans la rue après ou ce que tu veux, mais sur le coup, je montre rien du tout. Hein. Ah, moi, ah, c'est vrai, ouais. Ah, rien. Je peux rester s'il faut un entretien de 4 heures, hein. Pas de problème, je lâcherai rien. Mais si, tu peux pas. Non, mais il y a des fois. Non. Tu te fais mal. Je te jure que j'ai un mental. Non, mais il n'y a pas de mental. Il n'y a pas de mental. Il y a des fois, ça te brûle l'anus avant que ça sorte. Tu sais que ça va te brûler. Le caca, il est plus fort que le mental. Mais c'est tellement vrai en plus. Bon, allez, juste deux secondes, on va offrir les cadeaux. Là, il y a des PS4 à vous offrir avec le jeu Lego Star Wars Le Réveil de la Force sur PS4. Vous envoyez Guillaume juste et votre la réponse à la question très très compliquée qui aurait pu être posée au bac, hein, tellement qu'elle est dure. Ah, bah là, je sais pas. De quelle couleur est le costume de Dark Vador? En fait, ça, c'est qu'il y a des. Donc, c'est une question que je vais poser tous les jours. Donc, j'ai pris la truc la plus facile que je pense, hein, parce que je n'y connais pas. Vous envoyez Guillaume et qu'est-ce qu'il y a, Jim Sandar? Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est important, c'est pour après. Ah, vas-y. C'est un gars de la technique pour faire la liaison avec le studio de Mickaël qui arrive dans 2 minutes. Donc, je pense qu'il y a. Il y a une merde. On va finalement faire encore 20 minutes. Ouais, un peu. Est-ce que c'est vrai, un truc perso, genre son pote qui l'appelle, attends 2 secondes. Bon, de quelle couleur est le costume de Dark Vador? Vous envoyez Guillaume et la couleur du costume de Dark Vador avec votre numéro 612. Je vous file soit des PS4, donc des PS4 et avec le jeu Lego Star Wars de la Réveil de la Force. J'appuie sur le bouton, ça va sonner chez l'un d'entre vous. Ça va, chez le soldat? Ouais, c'est bon. Il a du retard, c'est ça, non? Ouais, il faut traîner un peu. Il est en retard. Ouais, un peu. Non, il y a un problème. Ah, il y a un problème? Ouais, c'est pas grave. Rien de grave. Ok. Allô? Allô? Ouais, ça va ou quoi? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? C'est Guillaume d'Energie. C'est quoi ton prénom? C'est Julien. Enchanté, mon Julien. Tu viens d'où, Julien? De Lourdes. De Lourdes, ah, représente. Le 6-5. Bravo. Eh ben, vas-y, enchanté. T'as quel âge, Julien, toi? 31. 31, tu fais quoi dans la vie? Je suis chef d'équipe. Dans quoi? Dans le plastique. Dans le plastique? Eh ben, vas-y, ouais, mon Julien. Tu dois être surpris qu'on t'appelle, tu vois que ça marche aussi. Ah, oui. Bravo, Julien. Bon, on a mis le numéro dans le logiciel, mon gros. Je vais t'envoyer la PS4 demain matin, d'accord? Ah, bah c'est cool. Okay. Merci beaucoup. Bah de rien, écoute, t'as joué, gagné. Enfin, tu tirages au sort chaque soir là. C'est grand soir. Et comment tu as fait pour trouver la couleur du costume d'Dark Vador? C'est compliqué. Question extrêmement difficile. Le talent, ils étaient. Ouais, ouais. Bravo. Le talent. Tu veux faire une dédicace, bro, on te partient? Je fais une dédicace à Christelle. Il travaille avec moi là en ce moment. Et bah, y a pas de problème. Et bah, écoute, si c'est juste pour Christelle, bah, dédicace à lui. Hein. Ouais, bisous. Je t'embrasse, mon Julien. Je te repasse à Mina au standard pour l'adresse direct. Merci. Ok, allez, bisous. Ouais. On se fait juste. On se fait. T'es au boulot là, tu m'as dit, Julien? Ouais, je suis au boulot là. Travaille de nuit là. Ah ouais, putain, et tu peux t'absenter de 2 secondes, ouais, ça va? Oui, non, y a pas de soucis. Bon, vas-y, et je fais vite. Je te repasse direct à Mina du standard. Ouais, ouais. Ok, on prend l'adresse en 30 secondes, gros. Comme ça, t'auras pas de problème avec le taf. Allez, on se fait juste Justin Timberlake. On se retrouve après. Salut, man. Salut, bien joué. Salut. Allez, bougez pas, tout le monde. Guillaume Radio 2.0, minuit 1. On est déjà le 28 juin. Ça y est. Dans 3 jours, c'est juillet, quoi. On déjà. Se retrouve juste après Justin Timberlake. Mickaël qui arrive en direct. Attention aussi. Hein. Ouais. Après, on fait juste la connexion avec le studio. On se retrouve juste après Justin Timberlake. Le temps d'essayer de rebrancher le câble, parce qu'il y a un petit souci technique. Et puis, si jamais on a encore 5 minutes, on fera un jeu des hôtels. Bah oui, on a le temps. Et puis, si on a encore 1 heure, on fera. Ah oui, c'est vrai, on a encore. Et puis, si on a encore du temps, Julien Stagiaire dansera. Du lap dance. Ouais. Oh, en direct sur le live Facebook. Allez, avec plaisir. On juste après Justin Timberlake sur Energy. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere. Veulent le tenir dans les bras et d'autres non. Je le coupe en, avec la hache, je le coupe en mille morceaux. Tous les soirs, 21h minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 en direct sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie, on est en direct. Il y a eu 1 pour l'Angleterre, 2 pour l'Islande. Ouais. Ce soir, 2 à 1. Et donc l'Islande qui va gagner, qui a gagné et qui va jouer contre nous, contre les Français. Ah ouais. En quart de finale. Dimanche soir à 21h. Voilà. C'est ça, l'Euro. On est en direct, il est minuit 4 sur Énergie. Passez une bonne nuit, les copains. Alors, je vais faire une tentative de passage d'antenne à Mickaël. Ah. Avec le studio, on a un petit problème de connexion entre les deux studios. Et si jamais ça ne marche pas, parce que pour vous dire, vu qu'on a échangé d'horaire, ouais, le technicien qui devait appuyer sur les boutons et nous gérer le savait pas que c'était aujourd'hui. Donc c'est pas grave, il arrive, il est très sympa, mais donc on va essayer de se démerder sans lui. Je vais juste appuyer sur les bons boutons. Est-ce que tu m'entends, Mickaël? Bah moi je t'entends, ouais. Ah bah c'est bon. Ah alors, voilà. Par contre, je suis encore en rouge, donc c'est-à-dire que niveau des pubs, ça va rester ici. Ça va se passer. C'est pas grave. Bon. Ben non. Okay. Et au pire, vous chantez sur les pubs. Bah oui, voilà. Au pire, il n'y a pas de pub. Et puis, tu sais, comme d'habitude, c'est ton horaire. Je dirais que c'est ta faute. Ah. Il y a une femme, moi, je suis au courant de rien. Moi, je suis pas coupable. Là. Putain, bon, bah écoute. Il est comme ça. Bon courage. Hein, bonne nuit. T'es wanted en Corse ou pas, JM alors? Non, ça va, c'est bien passé. Ah, c'est vrai. Il a failli se faire chauffer. Ouais, à un moment donné, mais bon. En même temps, à un moment donné. Quand t'es en Corse, comme partout d'ailleurs, t'es dans une soirée, il y a une fille qui vient te voir avec une alliance, tu te mets pas à la draguer. Voilà, il peut y avoir une fille avec une alliance. C'est la femme du maire de Bastia. Ouais, c'est ça. Voilà, fais pas de blagues là-dessus. C'est pour dire qu'on touche pas. C'est mérien indépendantiste, ouais. Ils sont chauds là. Ah, bizarre. C'est pas vrai. Non, mais jamais t'es encore. Ils vont me chercher en plus. C'est pas vrai. Ah ouais, ouais. Donc je suis petit, des lunettes. Non, mais arrête. Je suis marseillais. Non, mais ils se rendent pas compte, ils sont chauds là-bas. On rigole pas avec ça là-bas. Et sinon plus de toute façon. Attends. Au pire, et Amina, c'est fini chez les flics ou pas? Non, bah, tout va bien. Non, rien. Non, bon, petit week-end tranquille. Pourquoi chez les flics? Parce que je te plains toutes les 5 minutes apparemment. Tout finit chez les flics avec Amina. Non, mais, alors, n'oubliez pas, Amina Estrada, c'est pas une SALOPE. Okay. Ah, exactement. Bon, j'ai tout compris. Ah là là. Bon. Et vous, c'est bon week-end ou pas du coup là? Pluvieux. Ouais. Week-end de merde. Ah bah vous, il y a eu du soleil, à nous c'était un enfer. Ah bah si, on a eu de la chance. Ah ça c'est clair. Bon bah écoutez, kiffez bien. Bonne nuit, je vais dire bonne nuit Guillaume, du coup, parce que on savait pas si la connexion marchait, donc j'ai pas dit bonne nuit à qui. À demain, Guillaume du Standard. À demain, Guillaume, bonne nuit. À demain, Mina du Standard. Bisous, bisous. Flo des cadeaux, bonne nuit. Guillaume, salut Julia qui est en stage aussi. Salut Guillaume, salut. Gros bisous chez vous, dormez bien. Et puis bah voilà, je vous laisse en trop de bonnes. Vous êtes là jusqu'à quelle heure du coup maintenant là? 3h. Ouais, 3h à peu près. 3h. Voilà, très bien. J'ai entendu Polo qui a fait un mélange entre un raw et un win. On aurait dit Jean-Marie Le Pen. Parce que j'étais en train de boire de l'eau et j'ai fait ouais. C'est pas vrai, les gars. Bonne nuit Polo, n'est-ce pas? Bonne nuit à vous. Allez, bonne nuit les mecs. À demain. Ciao. Salut les gars, ciao. Sois pas triste. Le plus important dans la vie, c'est toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Prends ton baluchon et voyage. Regarde, émerveille-toi. Profite de la vie. Tu es seul. seul. Alors avance. Marche à contre-courant. Parle, change, apprends. Choisis la voie la moins empruntée. Le bonheur est au bout du chemin. Mais ne suis pas le chemin des autres. Personne ne peut rien faire pour toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Tu veux faire le premier pas ? Écoute Mickaël sur Énergie tous les soirs. Tous les soirs de minuit à 3h. Eh oui, minuit 3h, ça fait bizarre. Je vais y bégayer du coup. Bon, bah minuit 8 du coup. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bravo, bravo, non, bravo à l'Islande. Bravo, non, faut dire les choses moment. Tout le monde misait sur l'Angleterre. Bah, personne misait sur l'Islande. Hein. Moi en premier, quand ils ont fait un match nul face au Portugal, j'étais un peu vénère. Mais finalement, putain, bravo l'Islande qui vient donc d'éliminer l'Angleterre. Incroyable. C'est improbable, mais c'est magnifique. J'aime bien, moi, les petits, tu sais, qui arrivent à. Franchement, c'est David contre Goliath. Quoi. Voilà, mais c'est ça. Et du coup, je sais que je vais me faire plein d'ennemis, mais sincèrement, j'espère que l'Islande va battre la France. Non, mais, oui. Mais parce que c'est les petits. Enfin, franchement, personne misait dessus. Et à un moment, tu te dis, quand même, les mecs, tu vois, ils ont peut-être eu de la chance, tout ce que tu veux. Mais ils gèrent quand même, tu vois. Il faut arriver à faire le parcours. C'est ce que je disais. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que ce soit le Pays de Galles et l'Islande en finale. En finale. Je sais pas si c'est. Bon, bref, peu importe. Enfin, oui, dans l'idée, ouais. Dans l'idée, que ce soit des deux. Les Espagnols à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Les Croates à la maison par le Portugal. Bon, après, le match était dramatique. Mais enfin, bref, le principal, c'est de gagner. Hein. Donc, on verra. Et donc, qu'est-ce qui reste là? Du coup, il y a Portugal-Pologne à suivre. Ouais. Jeudi. Ensuite, il y a France-Islande, du coup. Hein. Ouais. Il y a les Belges qui vont affronter le Pays de Galles et il y a les Italiens du coup hein, qui vont affronter les Allemands pour savoir qui va arriver en demi. Bref, ça va être lourd. Ouais. Et sachant que je suis à moitié belge et moitié portugais, si ça se fait un petit Belgique-Portugal là, ça va être pas mal non plus ça. Bon, en tout cas, Polo a une analyse sur le match de l'Islande, des Anglais. C'est normal, c'est des merdes les. Voilà. Non mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a regardé le. Ils ont fait le Brexit hein. Non mais voilà, ils sont partis. Ils voulaient sortir de l'Europe, ils en sont sortis. Bah voilà, ils sont sortis de l'euro. Tu sais, la plus belle image c'était quand le barbu là. Ouais. Tu vois, il a raté, mais il était content, quoi. Bien sûr. Et les mecs, ils jouaient pour jouer, pas pour gagner. Voilà, ils ont pas gagner, d'argent. Parce qu'ils sont déjà à un niveau tellement haut qu'ils disent c'est magnifique, quoi. Ouais. Bon, bref, en tout cas, on va pas parler de foot toute la soirée, évidemment. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, tout se passe bien. La France est encore en jeu. Le Portugal est encore en jeu. La Belgique est encore en jeu. Donc, tout va bien, en tout cas pour moi. Il y a Aurore qui dit coucou, les copains. Je passe la nuit avec vous et à votre écoute. Bisous super. À tous. Salut, Aurore. Gros bisous. Je vous rappelle aussi, d'ailleurs, c'est vrai que d'habitude, on commence à 1h du mat. Là, on fait minuit 3h jusqu'à mi-juillet et puis on fera 20h minuit du coup vous pouvez envoyer tous vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, que vous pouvez venir nous ajouter également sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Vous tapez M-I-K-L officiel. Il y a Alexandre qui y est. C'est parti jusqu'à 3h avec Mickaël. Comment va l'équipe? Écoutez, on va plutôt pas mal. Ce soir il y a le chéri je peux te faire cocu hein, pour les habitués vous connaissez le principe, pour les autres je vous l'expliquerai bien entendu. On écoutera du Bob Sinclair aussi à suivre hein, le nouveau son de Bob Sinclair que je vous mets tout à l'heure. Il y aura aussi James Bay, ça c'est une grosse tuerie ça. Et il y aura Jennifer Lopez bien sûr. Hein. Et voilà, Tof qui est là également, qui a passé un bon week-end. Magnifique. Et comment va le ramadan, dernière semaine là? Écoute, ça va, franchement là. Là aussi, je le rappelle pour ceux qui d'habitude nous écoutent à partir d'une heure, il y a peut-être des auditeurs de Guillaume qui débarquent là, qui savent pas qui on est, qui écoutent pas forcément à partir d'une heure. Tof donc qui bosse avec nous. Donc, t'as de merde de son état? Bien sûr, exactement, on peut l'appeler comme ça. C'est emballé donc l'année dernière quand il y avait le ramadan et qu'il faisait 45 degrés et que c'était un enfer. Oui, je l'ai dit, courage à eux quand même. Hein, et puis on a dit. T'as vu, moi j'ai eu du respect pour eux. Oui, mais bien sûr, mais c'est bien. Et donc, du coup, on a chauffé Tof. Tof s'est chauffé tout seul en disant eh bien, l'année prochaine, je ferai le ramadan également pour essayer. Non, je pense que j'ai été aidé dans cette démarche. On te l'a rappelé en tout cas 15 jours avant le départ du ramadan. Et du coup, il fait le ramadan alors qu'il n'est pas musulman ni quoi que ce soit. Mais il fait le ramadan et il tient ce connard. Hein. Ouais, mais c'est pour moi, il m'impressionne. Franchement, ça va. C'est pas aussi hardcore que je pensais. Après, il fait pas chaud, donc je pense que s'il avait fait plus chaud, je l'aurais moins bien vécu. Ah là, pour le coup, c'est le temps idéal là, pour le ramadan. C'est quand même un des plus durs parce que c'est les horaires, c'est les plus tard. Ouais, mais après, je pense qu'il y a l'émission aussi qui nous avantage vachement par rapport à d'autres. Parce que du coup, tu dors un peu plus tard dans la journée, tu te lèves pas à 7h du matin. C'est ça, c'est-à-dire que moi, je suis déjà calé dans un rythme qui est fait pour ça. Je pense que ça m'aide pas mal. Bon, en tout cas, bon courage à vous. Reste une semaine, c'est ça? On finit quand là? Enfin, vous finissez quand du coup le ramadan? C'est, je sais pas, c'est le mardi ou le lundi prochain. Ah, donc en gros, une bonne semaine. Je sais pas, moi j'attends qu'ils le disent à la télé. Encore une bonne semaine. Tof, c'est comme l'Angleterre dans l'Europe, ça sert à rien. Il y a Amandine aussi qui dit coucou mes amours, à l'écoute, quel bonheur, c'est gentil Amandine. Rémi qui nous salue, salut à toi. Et puis salut Mickaël, vous êtes mon plus beau cadeau, c'est Jessica de Corse, du 2A. Salut à toi Jessica. En parlant de cadeaux, je rappelle qu'il y a une Xbox One ou une PS4 à gagner sur le Facebook de l'émission. On fait ça toutes les semaines. Lundi, on met en jeu. Jeudi soir, en début d'émission, on tire au sort l'un d'entre vous. Et je vous demande simplement cette semaine, bah, qu'est-ce que vous préférez, Xbox ou Xbox One, bien sûr, ou PS4. Vous laissez simplement le commentaire, vous laissez votre commentaire, et puis bon, c'est pas compliqué. Hein. Nous, on vous rappelle lundi soir, jeudi soir, pardon, pour bah, vous filer la Xbox One ou la PS4, aussi simplement que ça. Il y a Victorien qui est avec nous aussi. Salut Victorien, comment ça va? Salut Mickaël, ça va? Bah oui, ça va bien, tranquillement. Salut à toi. T'as 19 ans, t'appelles d'où Victorien? Bah, j'appelle de Paris. Et pour, au passage, je suis Victo de Twitter. Je sais pas si t'en souviens. Ah oui, bah c'est toi qui es parti Miami, qui va te partir, va te barrer encore où là, enfoiré. Hein. Ah ouais, un mec qui a la vie dure quoi. Méthodes, ouais. Tu vas où là? Tu vas où? Je pars au Pérou en août. Au Pérou? Ah bah putain, ouais, j'avais oublié. Comment c'est que tu voyages tout le temps comme ça? C'est dingue ça. Ouais. Réponds pas, Victo. Non. Ah mais merde, il t'entend pas. Attends, ah merde, putain. Ah non, j'entends pas. J'étais sur un bouton à la con. Voilà, maintenant t'entends. Ouais, maintenant putain, je parlais dans le vide. Ouais. Ah ouais, c'est bon, je t'entends. Ouais. Mais c'est mieux quand personne t'entend, Polo. Je vous emmerde tous un par un. À la queue le non, mais Victor, Polo demandait comment c'est que tu te barrais aussi souvent en vacances. Ah ouais, je vois comme ça. Hein. Ah là, d'accord. J'aime ça, j'ai envie. Ah, non, mais à un moment donné, faut... voyager, voilà. Mais à un moment donné, faut avoir les moyens parce que le Pérou, tu vois. Ouais, oui, c'est clair. Non, mais après, c'est. Oui, c'est bon, ok, d'accord, il veut pas arriver. C'est violent le Pérou quand même. Enfin, bref. Bon, hey, Victo, et justement, on allait parler des vacances, là, avec les jobs, tout ça, etc. Il y en a qui, parce qu'il y en a qui cherchent du travail, il y en a d'autres qui démissionnent. Donc, je voulais savoir si vous aviez un job d'été, si vous avez déjà fait un job d'été. T'as déjà fait quoi, Polo, comme job d'été, toi? J'ai été facteur. Facteur. J'ai livré les colis. Ouais, bah, je me doute que t'allais pas livrer. Non, les catalogues. Ah, les catalogues, la redoute et tout. Ouais. Wow, je chargeais la camionnette. Ah ouais. Et toi, Tof? Logistique chez le roi Merlin. Oh la logistique. Tout était de travers. Le coca se retrouvait avec les PC. Le roi Merlin, c'est ah oui, mais c'est vrai, c'est que du bricolage. Ouais. C'est que du bricolage. Non, et en c'est fait... là que t'as rencontré Mickaël qui cherchait du béton. Bah, c'est ça, il cherchait c'est du drôle, carrelage. Ça. C'est drôle ça. On va. Raciste. Et Valentine, t'as déjà fait quoi comme taf au standard? Moi, c'était vendeuse de surgelés par téléphone. De par téléphone? Ouais, c'était. Mais comment tu veux surgelés par téléphone? Bah oui, j'ai rien compris. Bah, c'est quoi. En gros, il passe commande et ensuite il y a un livreur qui arrive. Mais vous connaissez pas, c'est Iceman ou je sais pas quoi, c'est des escroqueries ça. Ouais, c'était. Mais oui. C'était tout par gel. Ouais, en fait, ils t'appellent, ils te prennent la tête et souvent ils enfument les petits vieux. Oui, mais vous allez connaître. Tu sais, donc livrer et tout, et en fait, ils te prennent la tête jusqu'à ce que tu acceptes de. Ouais. De recevoir des trucs surgelés quoi. Ah ouais, c'est de l'enfume ça. Bah dis donc. Bon, t'as déjà fait un travail, un job d'été, Victorien, ou pas? Oh, moi je m'en fous. Oui, alors c'était une sorte de stage, enfin un vrai stage, le job où j'étais community management. En gros, je gérais les réseaux sociaux d'une micro-entreprise. Ah, c'est pas mal ça. Attends, bouge pas, Victorien. Bah reste avec nous. Si vous avez déjà fait des jobs étudiants, ça s'est bien ou mal passé en fait, hein, ou vous êtes fait virer ou quoi que ce soit, 01 40 71 5000, appelez-nous. Si vous êtes en Belgique, 02 703 0071. Il y a Clarisse qui dit enfin, on va pouvoir vous écouter et me coucher tard aussi. Bientôt un an que je vous écoute. Eh bah, c'est gentil, Clarisse. Bon, on va se faire Eraïs Réfi maintenant. Et puis juste après, on sera de retour en direct. 01 40 71 5000. Appel mal intentionné à suivre. Et le chéri, je peux te faire cocu. Je vous explique tout ça juste après sur Énergie. Then this is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. Bun, bun. Then this is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. King of the little chest, we can't hide the man on me. Can't miss it, I don't cheat. عشق ريش كمنسي يوم أنيس كل فطوف نهار يوم أنو كنتي. Allez, bonne nuit tout le monde, il est minuit 19, on est sur Énergie en direct. Changement de dernière minute. Vous pensiez passer les vacances tranquilles à la plage, à bronzer, avec votre famille, à faire la fête? Stop, on arrête tout. Mickaël débarque tous les soirs de minuit à 3h sur Énergie. Bah oui, on est là justement et puis on va récupérer Victorien. Et Victorien, on parlait des jobs justement d'été là. Est-ce que t'as déjà fait donc, t'avais fait quoi genre tu gérais les Facebook et Twitter? Community, oui, manager. Community management, ouais, c'est ça, voilà. Putain, c'est sympa ça quand même. T'étais genre temps plein ou Bah c'était en fait c'était une sorte de stage. Enfin voilà, ouais, temps plein plutôt, ouais. Putain, ça va la vie, elle est plutôt pas mal hein. Oh ça va. Et on bah, est d'accord, ouais, c'est ouais, quand ouais, même une escroquerie ça. Bah franchement ouais, c'est quand même. Community manager quoi. On le fait tous avec nos Facebook et tout ça quoi. Ouais, sauf que là c'était pour une boîte quoi, une vraie boîte. Ouais mais bon. Ouais, ah, ouais, c'est toi, ouais. C'est toi qui réponds quand les mecs ils tapent scandale sur Twitter. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, ouais. D'accord. Très bien. Ouais, ça, ça dépend de la boîte. Après, hein, t'as des boîtes où ça va et puis d'autres où c'est un peu plus compliqué. Mais tu tombais sur des vrais casse-couilles ou pas? Ah oui, à un moment, oui, il y avait une dame qui arrêtait pas de commander tout ce que je disais et tout. Elle était bizarre. C'était vraiment bizarre. Ah, mais elle te draguait en fait. Elle voulait... Moi, j'ai vendu du papier toilette. Non, mais c'est vrai. Non, mais véridique. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais dans une espèce de boîte où il fallait livrer. Et c'est là que t'as rencontré la face de cul, toi. Ouais, ouais, ouais, je l'ai rencontré dans les chiottes. Non, non, mais tu sais, c'était genre de vente de. Comment on appelle ça? Représentant, tu sais. En costard et tout? Ouais, je devais être en costard normalement, ouais. Et un jour, j'avais cherché ma meuf, sauf que j'avais. Tu sais, la voiture était remplie, j'avais du PQ partout, tu sais, je vais la chercher devant le bahut. Et elle rentre à tous ses copines. C'est quoi? Comment ça fait qu'il y a du PQ dans la voiture? Ah, je chie beaucoup. Alors, mais c'est-à-dire que c'était. Pas, ah ouais, c'était horrible. Il avait mité la voiture en camionnette, donc c'est-à-dire il avait été. J'avais abattu les sièges à l'arrière. Ah, t'étais là, Tof, à l'époque. Ouais, ouais. Il a tout vécu, ce mec. Il m'a connu, j'avais pas le permis. Donc, et donc, il y avait du PQ partout et des produits d'entretien partout. Ah, ouais, ouais, on vendait tout le bordel, c'était scandaleux. En fait, t'as l'impression que c'est les nettoyeurs dans les films policiers, quoi. C'est ça, je faisais le nettoyage. Finalement, j'ai jamais rien vendu, donc je me suis fait virer en un mois. Pas un rouleau. Non, si, bah, il y a ma famille qui avait acheté pour faire plaisir, quoi. Bon, allez, Mickaël, on t'en prend un peu pour que tu sois pas trop en galère. C'est ça. Il y a Fad aussi dans un instant à Nantes. Salut Fad, comment ça va? Salut, ça va, tu vas bien? Bah oui, ça va bien, ouais. Fad, ouais, on va parler de job dans un instant. Bouge pas, on se met la pub en speed et après on est tranquille pour le reste de la nuit, d'accord? Ça marche, à tout. Bon, bah bouge pas de là. On va revenir avec le son de Bob Sinclair avec vous toutes et vous tous. On est en direct sur Énergie. Passez une bonne nuit tout le monde. On est jusqu'à 3h. Minuit 3h. On s'installe tranquille sur Énergie. Vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année? C'est David Guetta. This is Avicii. I'm Calvin Harris. Yo, this is Martin Garrix and you're listening to Énergie présente les Énergie DJ Awards 2016. Votez maintenant et tout l'été sur énergie.fr. Et le 12 octobre, dans le cadre du mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Énergie DJ Awards. Hit music only. Énergie, it's music only, avec Muse en concert. Hi, this is Muse on NRJ. Ne manquez pas le groupe superstar Muse le 28 juin pour un concert exceptionnel à Paris au pied de la Tour Eiffel. Attention, dernière place disponible. Infos et réservations, énergie.fr et points de vente habituels. Muse en concert, un événement Énergie et M6. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdo, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Like me, I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know. If you look in the mirror to her eyes, she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Don't wanna know kind of dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. No, we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. The way I did before. We don't talk anymore. Les vacances, c'est appel mal intentionné, auditeur complètement dingue, Fécheux, des canulars et surtout Mickaël, Duff et Polo de minuit à 3h sur Énergie. Et oui, on est là, bonne nuit tout le monde, minuit 25 et on est au cœur de la nuit sans plume. Alors, ça y est, c'est parti. Iman qui dit coucou tout le monde, ça fait longtemps. Eh bah oui, salut Iman, c'est la douce Fada qui a changé de pseudo. Hein. Jérémy qui dit aussi salut à team, toujours le trip de vous écouter de nuit. Je verrai bien Portugal-Italie et victoire du Portugal pour le coup. Ah bah j'espère. Et Atos aussi qui dit coucou les gars, c'est la première fois que je vous écoute et je vous aime bien. Bah écoute, gentil à toi, Atos. Sois le bienvenu en tout cas. Il y a Fad qui est avec nous à Nantes. On parlait des jobs d'été, puisque bah forcément 28 juin oblige. Ça y est, on est le 28. Hein. 28 juin oblige, bah forcément, il va falloir travailler un peu, les gars là. Hein. Bah oui. Ah bah ouais. Bon, Fad, t'appelles de Nantes, toi, comment tu vas? Ouais, ça va très bien, impeccable. Bon. Je suis tout le temps. Je suis rendu de nuit là en ce moment. Et je vous écoute tout le temps, tout le soir, pratiquement de 22h jusqu'à 7h du matin. Bah nickel, bah écoute, c'est cool. Ah, vous êtes trop fort, les gars. C'est gentil, vous m'accompagnez du but du travail jusqu'à attends, la tu part. Écoutes de quelle heure à quelle heure? De 22h. Je commence à 21h30. Donc 22h jusqu'à 7h du matin. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu commences avec Guillaume et tu finis avec nous, quoi. D'accord. Bon, voilà. Bah, c'est bien. Eh bah, très bien. Bon, alors, Fad, t'as quel âge du coup, toi? 34 ans. Ah oui, donc toi, c'est un ancien job d'été que t'as fait dont tu vas nous parler. Voilà, c'est l'année dernière que j'ai fait ça. T'avais fait quoi? Fad, ça a pas trop de goût, là. C'est drôle ça, Fad. Quand ça me rate, ça fait ça, une vanne de merde. Ça fait 2-3 minutes, ça me travaillait. Quoi. Ouais. Moi, j'avais pas osé, si c'est trop fade, tu remets du sel. Mais... voilà. Tu vois, la vanne était déjà merdique et il faut toujours. C'est ça qui est bien quand on fait. En fait, c'est bien quand on est en société avec Toff, c'est qu'on peut se permettre de faire des vannes de merde puisqu'il va toujours faire la dernière. Du coup, on va oublier la tienne et on va se focaliser sur la sienne. C'est ce que j'appelle la couche de merde. En fait, Toff, tu fais un truc et Toff, il rajoute toujours une couche de merde voilà. Derrière. C'est un peu comme un peinture, c'est la troisième couche qui sert à rien. Tu vois, les gars, je suis plus beau que mon prénom. Non mais t'inquiète pas Fad. Bon alors t'avais fait quoi comme taf, alors raconte. Alors moi c'était l'année dernière, j'ai travaillé comme staffeur, plâtrier et staffeur. C'est en fait on fabriquait des moules et des décors. Tu fabriques des moules, ça peut intéresser Toff. Voilà. Non mais tu fais quoi exactement, des moules c'est-à-dire en fait, ouais des moules c'est-à-dire des décorations dans les bateaux, pour les bateaux, pour les grandes surfaces en fait. Ah. Donc c'est un petit boulot très important, c'était intéressant, c'est une personne comme expérience mais bon. La fin de contrat, c'était un petit peu merdique. Donc, D'accord. Voilà. Donc, c'était bien comme boulot, c'était bien payé. Je travaillais avec des gens sympas. Il y avait une fille qui travaillait avec nous. Et c'est là où ça commençait un peu à se dégrader. Raconte, c'était la fille du responsable, en fait. Donc, on se draguait au début. Donc, c'était très bien passé la première semaine. Et on commençait à se raconter un peu. Et pendant la pause, on montait à l'étage. Donc, on était tous les deux, il n'y avait personne. Et on faisait ça pendant pratiquement 2 mois que j'étais avec eux. Et finalement, on s'est surpris par un collègue qui nous a balancé. Je me suis fait virer à cause de ça. Oh là là, putain, fait chier ça. Et les gens peuvent pas fermer leur gueule. Défense. Non, mais c'est vrai, ils peuvent pas fermer leur gueule 2 minutes. Les jaloux, non. Quoi. Oui, c'est de la jalousie. Non, elle travaillait, en fait, le gars travaillait avec elle depuis longtemps. Donc avant mon arrivée, elle l'a draguée depuis plusieurs fois. Mais elle n'était pas intéressée. Du coup, il y a le seul moyen pour se venger, elle me balançait, quoi. Putain, ah ouais, d'accord. Elle était dégoûtée. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Résultat, bon, tu t'en souviens bien de ton taf d'été, c'est bien. Ouais, bah je me souviens aussi de la marre. Ouais, bah j'imagine, ouais. Bon, faut voir le côté positif après, non, mais c'est exactement, bien. Exactement, ouais. C'est bien. Non, ouais, c'est impeccable, franchement, c'est. En fait, moi je n'aimais pas trop le responsable dès le départ, je ne l'aimais pas trop, et après je me suis rendu compte que c'était son père. Ouais. Et voilà, bon, on s'est. Ah, parce qu'au début, tu savais pas que c'était son daron? Non, bah non, il n'y a personne qui me l'avait dit. Ah ouais. Ah bah oui, forcément, c'était pas marqué sur sa gueule, hein, tu me diras. Non, ben bah, elle m'a pas dit non plus, elle aussi. Donc, elle voulait rester un peu. Mais c'est sa faute, elle a pas dit, elle a pas. C'est le mec qui met sur la faute des autres. Non, mais c'est vrai. Quand je l'ai appris, c'était trop tard déjà. Donc, ouais, bah j'imagine. De toute façon, Polo te le dirait, c'est toujours la faute des meufs. Toujours. Mais non, on rigole évidemment. Bon, Fad, merci beaucoup, tu nous rappelles quand tu veux, hein. D'accord, ça marche. Et bon taf cette nuit, bon courage. Merci avec beaucoup. Plaisir. Bonne soirée. Salut Fad, ciao à toi. Il y a Guillaume de Blois dans un instant. Salut Guillaume. Salut l'équipe. Salut. Comment ça va? Tranquille. Bon bah oui, ça va bien aussi. En plus, on va faire les appels mal intentionnés dans un instant avec Toff. Tu connais les appels mal intentionnés, Guillaume? Ouais, c'est énorme. C'est quand Toff se fait insulter en général, ça arrive comme ça pour ceux qui nous découvrent. Tu vas mourir. Il y avait ça aussi. C'est toi, ta famille, ta mère, ton père, ta grand-mère, ta petite sœur, fils de pute. Voilà, il y avait ça aussi, hein. Moi j'ai cul mon poutou sur le cul de ta mère, fils de pute. Ouais. J'ai niqué ta grosse gueule de bâtard. Voilà, bon, bref, Toff se fait souvent insulter, hein. Et donc ce soir nous avons trouvé un nouveau débat avec lequel nous allons appeler les gens à rapport au préliminaire. Voilà, je n'en dis pas plus, on fera ça dans quelques minutes. Guillaume, tu restes avec nous, tu bouges pas de là, tu vas nous parler des jobs d'été que t'as eu déjà ou pas? C'est ça, ouais, l'année dernière. Eh ben, reste avec nous, Guillaume. On aura. Oh, Seb de Quimper, the comeback of Seb de Quimper. Comment ça va, Seb? Ouais, ça roule et toi? Ça va tranquillement. Hein, toi aussi, ouais. Job d'été, on va en parler? Ouais, grave. Bon, bah, reste avec nous, bouge pas de là. Il y aura aussi Imen. Et puis, il y a Quentin qui dit Mickaël, j'étais éboueur avant et le boulot était vraiment cool par rapport aux attentes. Bah, après, il en faut, sincèrement, et c'est un putain de job hard, hein, quand même. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, je sais. Il faut se lever. C'est sûr. Comment t'as déjà été boire? Non, et je te. Ah oui, tu balades Toff tous les soirs. Une poubelle là à côté de moi. C'est vrai. Non, mais voilà, franchement, il faut le dire, hein, respect quand même. Salut l'équipe, énorme bisous à Valentine. Et du coup de pelle également au chien de la casse, c'est Rémi de Mâcon. Écoute avec plaisir. Le chien de la casse est en Toff pour ceux qui nous découvrent. Gaël qui dit dernière nuit à pouvoir vous écouter avant de bosser au The Rock. Venez y faire un tour, les gars, je vous invite, même Toff. Oh, c'est gentil, Gaël. C'est très gentil. Mais je ne viens que si Toff n'est pas invité. Voilà, c'est impératif. Ah oui, ah bah attends pas. Moi je me déplace pas, voilà. Je suis un de la casse. Pas déconner, hein. Salut toute équipe, chapeau à Toff pour le ramadan de la part du Caribou de Toulouse. Salut à toi le Toulousing. Et puis Yuna aussi, coucou de la Mayenne. Bah, salut Yuna et salut à vous toutes et tous. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'émission, faites le 01 40 71 5000. On va s'écouter le son de Bob Sinclair maintenant. Et puis juste après on va se faire les appels mal intentionnés. Et alors attention, hein, comme je le disais, appels mal intentionnés à base de bien lourd, hein, puisque ça va parler de préliminaires. On sait que Polo adore les préliminaires, hein. J'adore ça, c'est mon moment préféré. Voilà, c'est quelque chose qu'il fait tout le temps, tellement il est fan de préliminaires, c'est la folie totale. On va en parler après. En tout cas, minuit 32, passez une bonne nuit, on est au cœur de la nuit sans pub. On est là pendant 2 semaines, de minuit à 3h du mat. Voilà, horaire d'été. Puis on fera 20h minuit pendant les congés de Coé et de Guillaume. Et en attendant, on profite. Bob Sinclair, c'est le son qu'on écoute tout de suite sur Énergie. Passez une bonne nuit. Et on est sur Énergie, il est minuit 35, soyez les bienvenus, on est en direct de minuit à 3h pendant toute la semaine et toute la semaine prochaine sur Énergie. Que vous soyez dans la jungle amazonienne, dans un temple zen, dans une caravane ou dans un camping, la meilleure chose à faire pendant vos vacances, c'est d'écouter Mickaël sur Énergie. De minuit à 3h. Et bonnes vacances d'ailleurs tout le monde. On parle justement des jobs de vacances. Est-ce que vous en avez déjà fait des jobs de vacances bien chiants, super drôles? Vous avez été viré, pas viré? Bref, appelez-nous pour qu'on en parle. 01 40 71 5000. Vous pouvez aussi envoyer Mickaël et votre message au 611 12. Et venir nous rejoindre sur Facebook, Twitter et sur Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a une PS4 ou une Xbox One, au choix d'ailleurs, à gagner sur le Facebook de l'émission. Vous tapez M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre. En attendant, on va se faire les appels mal intentionnés. Alors, préliminaire. Bah oui, je sais, ouais. Les préliminaires, apparemment, préférées des femmes, eh bien, ce n'est pas le cunnilingus, apparemment. Alors, ah bon? Non, elles aiment qu'on leur titille leur sein, qu'on s'occupe de leur sein. A priori, c'est ce qui. Après, il y en a qui sont très, très réactives au niveau du téton. Alors, il y en a qui s'en branlent complètement. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui, dès que tu leur titilles le téton, ça monte. Ouais, et j'ai remarqué. Pareil, hein. Plus il est petit, plus elles sont sensibles du téton. Ah, je sais pas. Ouais, plus il est gros, moins. C'est le cas à Valentine ou pas, tu veux? Non mais je demande. Ils sont pas petits mes seins. Non, le téton on parle du téton. T'as des gros tétons et puis t'as des fins. Ça me fait pas grand chose, j'avoue. D'accord, toi ça fait gros rien. Gros seins, pas grosse réaction. Pas gros non plus. Mais... Non mais après t'as des gens qui ont des, t'as des filles qui ont des gros seins mais avec des petits tétons qui sont sensibles. C'est ça, mais donc c'est pas la taille du téton qui joue, c'est la taille du sein. Ah bon? Enfin en tout cas moi sur l'expérience que j'ai moi personnelle. Ah ouais. Bon bah dites-nous les filles, hein, 01 40 71 5000. Donc toi tu vas voir avec tes amis si ce qu'elles aiment comme préliminaire. Bah oui. Allez. Grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs, envoyez-les d'ailleurs sur le mail de Toff, toph@energie.com. Vous balancez les mails et puis les numéros de téléphone, hein, même si ce sont des ennemis, hein, si vous êtes en guerre avec la personne, pas de problème. Vous envoyez ça, rassurez-vous, c'est anonyme, jamais on ne dira qui nous a donné le numéro de téléphone. Vous pouvez être tranquille. Bon, on y va, minuit 36, premier appel, c'est parti. Et je vous expliquerai aussi le chéri, je peux te faire cookie, comment ça se passe tout à l'heure. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir, c'est quoi votre préliminaire préféré, monsieur? Pardon? Le préliminaire que vous préférez, monsieur, c'est quoi? C'est un bon point dans la gueule, je crois. Ah, pas du tout, monsieur. Enfin, pourquoi vous voulez faire ça? Parce que j'aime pas qu'on se foute de ma gueule, même pas par téléphone. Mais je me fous pas de votre gueule, monsieur. Enfin, pourquoi vous dites ça? Tu me parles de quoi, là? Bah, de préliminaire, monsieur. Tu me demandes quoi, préliminaire? C'est quoi? Bah, c'est un petit rigolo ici. Bah pas du tout. Préliminaire, tu veux que je t'en fasse moi des préliminaires? Bah, je vais te montrer, ça va aller vite. Bah non, moi je suis pas homosexuel monsieur, ça m'intéresse pas qu'on fasse des préliminaires ensemble. Alors qu'est-ce que tu viens m'emmerder? T'as que ça à foutre? Bah oui, je suis au chômage. T'as la voix d'un adulte au cœur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai 35 ans monsieur. Ah bah il a raccroché, bah très bien. Mais visiblement là je l'a perturbé, hein. Bon ouais. C'est pas grave, on va le rappeler encore une fois, c'est pas grave. On y retourne. Bah non, c'est parce que vous avez pas répondu à la question monsieur, donc moi je suis bien obligé de vous rappeler. Bah ta question tu te la prends et tu te la fous bien profond dans ton cul. Parce que si t'as 35 ans, t'es pas foutu de trouver une femme, t'es pas foutu de travailler, et t'as que ça à foutre d'emmerder les gens au téléphone, tu dois pas être fort intelligent. Non monsieur. Donc maintenant c'est quoi mon numéro, tu vas l'oublier, espèce de gros fils de pute, parce que tu commences à m'énerver. Bah, t'as non, bien monsieur, compris. Vous moi je suis pas un petit rigolo de pierre de mes couilles comme toi. Mais alors si t'as quelque chose à dire, je te donne mon adresse, tu viens jeûner chez moi, on s'arrange. Bah, tu non, monsieur, ton téléphone et tu me fous la paix, t'as bien compris, fils de pute. Je suis à Paris, monsieur. Sinon, la seule chose que je te donne, c'est mon adresse, tu viens jusque chez moi et on s'arrange tous les deux. Bah, non, t'as bien compris, entre hommes, pas non. Entre gamins. Allez, t'as répondez compris, au télé. Fils de pute. Non, monsieur, ça se dit pas des choses comme ça. C'est très j'en ai rien à foutre de ça se dit pas, tu veux pas entendre ça, tu me téléphones pas, espèce de gros culé de ta race, t'as bien compris? Non, monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça. Allez, répondez à la question et puis on en parle. Y a pas de monsieur, y a rien du tout. Y a que tu veux t'arranger, tu viens entre hommes. Mais non, mais je suis à Paris, monsieur, je vais pas me déplacer jusque chez vous. Couillonnade de pierre de mes couilles, tu te les gardes. T'as bien compris, fils de pute? Non, monsieur, je comprends pas. Je vais plus te le répéter. Bah oui, mais répondez d'abord. Tu veux qu'on s'arrange, tu prends mon adresse, tu viens jusqu'ici, on s'arrange tous les deux. Y a pas de souci. Mais non, monsieur. Si j'ai pour faire des gamineries, fils de pute de gamin, tu te les prends, tu te les cardes bien profond dans ton fion. Non, et puis maman, elle voudra jamais que je prenne le train tout seul. Allô? Ah non, il a raccroché de nouveau, dis donc, viens. Bon, attends, on va le rappeler encore une fois. Oui. Il a l'air sympa quand même, adorable, monsieur. Ouais, il a je sens l'amour. Ah ouais, ouais, vraiment, trop de bonté, trop de gentillesse. De tendresse et d'... Ah putain. Allez, on y retourne. Allô? Oui, monsieur, pourquoi vous voulez pas répondre à ma question? Eh, gros fils de pute, t'as pas encore compris? Bah, non, je comprends pas, monsieur, pourquoi vous... Non, tu vas comprendre que je vais niquer ta mère, t'as bien compris? Non, monsieur, pas ma pauvre maman. Y a pas de monsieur, y a rien du tout. Bah oui, mais répondez à la question, alors. Plus. Eh, gros tocard, mes couilles. Eh, putain, il comprend pas, fils de pute. T'es quoi, t'es d'où, toi? T'es qui? Donne-moi de Paris, nom. Monsieur, je suis de Paris, je m'appelle Toff. Toff, de Paris? Oui. Mais tu sais quoi, tu vas sucer ma queue et tu vas te la mettre bien profond dans ton cul, espèce de gros fils de pute, tu m'as bien compris? Mais non, monsieur, je comprends pas le rapport avec ma question. Ta question, tu te la prends et tu te la carres dans ton cul. Tu m'as bien compris, fils de pute? Bah, ça va pas répondre à la question, ça, monsieur. Allô? Il nous va raccrocher. Non, il est parti, il cherche pas. Oh, c'est bon, dommage. Bah oui, je te confirme. Bon, on rappelle encore une fois, pas nous prendre la tête toute la nuit quand même, toute la soirée, hein. Allô? Oui, monsieur, arrêtez d'être vulgaire et désagréable comme ça, vraiment, ça se fait pas. Non, du tout, t'as l'air calme, et quoi, qu'est-ce qu'il te faut? Bah, moi, je veux juste savoir, c'est quoi votre préliminaire préféré, monsieur, c'est tout? Tu veux les préliminaires? C'est quand je touche la chatte en temps de mer. D'accord, mais donc quoi, c'est vous préférez la doigté, c'est ça? En fait, c'est un petit puceau qui s'amuse à taper nos gens, toi, hein, c'est mais, ça? Mais pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça? Ouais, avec la voix que t'as sûrement t'as un suceur de gland, toi. Oh non, monsieur, c'est non. Ah non, maman, elle veut pas que je fasse si, ça. Monsieur. Si, si, si. Non, non, je vous assure, maman, elle veut pas. Non, elle veut pas. Ah non. T'as un petit 14, c'est ça, toi. Non, j'ai 35 ans, monsieur. T'as 35 ans. Oui. Écoute, ouais, donne-moi ton nom, ton adresse comme il faut. Alors, calmement. Je m'appelle Toff. Toff, ouais. Et j'habite 22. Rue, vas-y. Ah, voilà. Je vous appelle rue ou ça va pour l'écrire? Ouais, ça va, allez, t'inquiète. Ah bon, t'inquiète pas pour et Boileau, comme le poète. Boileau. Ok. Voilà, et c'est à Paris, okay. Dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement, ok. Voilà. Ah bah on va aller te faire un petit show là-bas et on va venir te voir, d'accord? D'accord. Bah, vous venez quand alors? Ben, t'inquiète, c'est une surprise. Hein. Quand on va venir, ça va être une surprise. Ah, d'accord. Mais bon, si jamais vous venez pas, je vous rappelle. Ouais, tu rappelles si tu veux. D'accord. Et bon, on fait comme ça alors, monsieur, je vous attends. Ouais. Allez, à tantôt. Hein. Ouais, bisous, hein. Mmh. Allez, à très vite, hein. Je vous attends, je suis impatient d'avoir votre réponse. Ouais. T'as l'air con, hein, mon gars, t'as vraiment l'air con. Mais non, dites pas ça, monsieur, c'est pas gentil. Problème, ça. Non, c'est pas gentil. T'as pas l'air vulgaire, mais un peu con, tu sais. Ah non, ça, mais... non, monsieur, non, je peux pas vous laisser ça. Non. Ouais, si. Mais c'est... non, mais non. Bon, allez, ouais, ouais, on va te rendre une petite visite à plusieurs. Attends. Ah, bah parfait, bah, je vous attends, alors ce sera avec plaisir, monsieur. Ouais, je vous prépare du café et des petits biscuits. Ouais, tu peux préparer même les petits biscuits. Eh bah parfait, on fait comme ça alors, monsieur. Ça va, ok. Allez, je vous attends, hein. Bisous. Oui, tout à fait. Et bah voilà, finalement ça se termine bien. Bah oui, j'ai un nouvel ami. Bah, ça se termine génial, oh là là. Bon, on en fera l'autre dans moins d'une heure, des appels mal intentionnés. Si vous avez des numéros à en proposer, bah envoyez-les hein, sur le mail de Toff, toph@energie.com. Alexandre qui dit on embrasse Maryse après ses mots si tendres envers la mère c'est de Toff, hein, Maryse bien sûr. J'ai des petits seins et des tétons normaux, je suis très sensible des seins, il n'y a pas de prénom, mais on veut bien le croire. Gaël qui dit dans ce cas Toff, désolé, mais tu dégages. Ah oui, par rapport à l'invitation aux Rock. Ah bah c'est gentil, Gaël. Moi, comme job d'été, j'ai fait trieuse de pommes de terre. Putain, c'est hard, ça. Hein. Salut l'équipe, bisous à Toff de Marion, la belle brune, il comprendra. Ouais, mais nous, on comprend pas, Toff. C'est qui, Marion, la belle brune? C'est une très charmante brune. C'est mon futur date d'après Ramadan. Non. T'as une photo, là? Bah si, il faut que je m'organise. Hein. Bah vas-y, montre. Bah une seconde. Ah oui, ouais. Bon, envoie-moi une photo sur amical@energie.com parce que Toff, il va en fumer, il va me montrer une photo bidon. Envoie-la-moi. Une vieille meuf édentée. Ouais, c'est ça. Ouais. On s'écoute Jennifer Lopez, on récupère Antoine, Guillaume, Seb de Quimper, Imen et vous toutes et vous tous en direct. Vous bougez pas de là, c'est Mickaël sur Énergie, il est minuit 44. Et puis on est toujours au cœur de la nuit sans pub, c'est Gilo qu'on écoute tout de suite sur Énergie. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gon' get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things that are about to change. C'est Mickaël, on est sur Énergie, minuit 47. L'immensité de l'océan. La pureté d'un flocon de neige. La beauté d'une fleur. La force d'un arbre millénaire. Mickaël est sur Énergie. Poursuivez votre recherche de la perfection. De minuit à 3h sur Énergie. Eh oui, alors vous le savez, hein, donc l'Islande a gagné face à l'Angleterre. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez entendu. Bon, après, il y a peu de chance puisque bah, forcément, vous n'avez pas regardé le match sur la télé islandaise. Mais il y a le commentateur qui est dans un état ouf. Alors écoutez, il avait déjà fait, il était déjà dans un état second quand ils ont gagné face à l'Autriche. Mais là, le deuxième but, donc vous savez, il y a eu le pénalty pour l'Angleterre 1-0, puis il y a eu un but de l'Islande. Et puis à la 18e minute, il y a. Le deuxième but islandais. Le mec n'a plus de voix. Et là, il lui reste encore 70 minutes à commenter. Hein. Je parle anglais, donc je parle islandais. Hein, et Angleterre 1, Islande 2. Et alors, évidemment, donc il y a eu le moment où, bah, où c'est terminé. Quoi. Ah ouais, la fin du match, il doit être attaqué. Ah bah, mec, 93e minute là, attention. Le mec il est debout. Le micro il est à 2 mètres de lui. Et le mec il est motivé hein. Moi ce que je veux voir c'est sa tête. Ah c'est ouais. Sa tête, parce qu'il doit avoir une tête à ce moment là. Le mec ne sera malheureusement pas là pour France-Islande hein, puisqu'il n'aura plus de voix. Non mais si, parce qu'en plus je crois qu'ils ont que lui hein. Ah ouais, ouais, ils ont, mais... En fait, ils ont que lui parce que les mecs, en fait, ils avaient pas de commentateur pour l'étranger, donc ils ont que lui, je crois. Non mais c'est incroyable. Sur NRK1, si jamais vous avez la chaîne, hein, je pense. Parce que en plus, tu sais, eux, ils ont pas de consultant, ils ont rien. Tu vois, c'est pour eux, c'est. Ouais, en fait, le mec est devant sa télé. Je pense pas qu'il soit. Je pense pas. Si, il est dans le stade parce que. Ah, il y a quand même, parce il est que tout à l'heure, il y avait les mecs qui commentaient. Je crois que c'était en Belgique. Ah ouais. Qui disaient qu'en fait, le mec, il est à côté d'eux et il hurle et que eux n'entendaient plus ce qu'il disait tellement lui il gueulait fort. Ah ouais, bah c'est clair. Donc voilà, bon bah. Bien pour l'Islande, en tout cas, on verra pour la suite. On va accueillir Solène qui est avec nous. Salut Solène, comment ça va ? Salut, ça va ? Ça va, salut. Tranquillement, Solène. Solène qui a joué pour gagner la semaine dernière sur le jeu Facebook, c'est bien ça, hein ? Oui, c'est ça, j'ai gagné l'enceinte. Eh ben voilà, l'enceinte Bose Bluetooth qui vaut près de 300 euros d'ailleurs. Et donc Solène qui a été tirée au sort et tu sais que j'ai failli me faire. Bravo à celui qui a essayé d'usurper l'identité de Solène et avec qui j'ai failli me faire avoir. C'est-à-dire ouais, que c'est pas mal, hein. Ouais, non, franchement, attends, parce que donc je vous explique. Donc on fait le jeu comme on fait maintenant là avec la Xbox ou la PS4, jeu sur Facebook, on fait un tirage au sort à la fin de la semaine, on tire au sort un gagnant ou une gagnante. La semaine dernière, c'était Solène et donc c'était à 1h30 du matin, j'envoie un message sur la page en disant bah bravo Solène, t'as gagné, envoie-moi un message en message privé justement avec tes coordonnées et je t'envoie le truc. Et il y a un mec ou une meuf, je sais pas, qui a créé un compte avec ta photo. Il a été pompé toutes tes photos, Solène, ton prénom, ton nom de famille, et il m'a envoyé un message. Donc sincèrement, j'ai pas fait gaffe. Donc il m'envoie le numéro de son adresse au bordel et je dis bah file-moi ton numéro de téléphone. Oui, mais non, parce que j'ai un problème avec mon téléphone. Je le récupère que dans 2 semaines. Je dis ouais bon d'accord ok. T'sais, je prête pas plus attention que ça. Donc j'envoie toutes les coordonnées à Valentine. Et là, je vois que la vraie Solène arrive le lendemain. Ah, j'ai gagné! Je dis, attends, c'est quoi cette enrule là? Elle m'a déjà donné ses coordonnées, elle se fout de ma gueule ou quoi? Et là, je vois en fait que bah, Solène, t'as aimé la page d'émission genre en décembre de l'année dernière, et que l'autre a aimé ma page au moment où le tirage au sort a été fait. Donc impossible, impossible qu'il ait pu jouer puisqu'il s'est inscrit après le jeu. Et donc du coup j'ai pris tes coordonnées et j'ai répondu au gars que c'était bien joué. Franchement bravo. Mais dorénavant je ferai encore plus attention. Tu seras plus méfiant. C'est vraiment des ouf quoi les gens. Il a fait Richard quand même, hein. Il a bien joué son coup. Hein. Ah ouais franchement ouais. Et pour le même prix Solène, c'est pas toi qui gagnais. T'imagines, j'allais offrir le cadeau à une fausse Solène. Donc en tout cas bravo Solène. T'es dans quelle ville, dis-moi ma belle? Moi je suis à Orléans. Orléans, eh bah écoute, très bien, bah du coup, pas mal. Hein. L'enceinte Bose Bluetooth part à Orléans, Solène. Bah je te fais des gros bisous, ouais. Tu fais quoi pour les vacances? Merci. Bah je vais partir en vacances à la mer. Où ça? À l'île de Ré. Ok, d'accord, tranquille. Avec ton mec, en famille, toute seule, avec des copines? En famille, pour une fois. En famille, eh bah écoute, profites-en bien, Solène. Et puis, et puis reste fidèle à l'énergie, puis gros bisous, hein. Comme d'hab. Gros bisous, merci. Salut Solène, je t'embrasse, à bientôt. Ciao. Bon bah du coup voilà, Solène a gagné. Si vous voulez tenter votre chance pour gagner la PS4 ou la Xbox One, on la met en jeu donc. On les met en jeu, une des deux, c'est vous qui choisirez, hein. Choisissez la console de votre choix. Sur le Facebook de l'émission, on tire au sort donc jeudi soir dans l'émission. Si vous voulez jouer, vous tapez M-I-K-L officiel. James Bay va arriver dans quelques minutes. Et on va se faire également le chéri, je peux te faire cocu, là aussi avec une console à gagner, PS4 si vous voulez par exemple. Si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000, le principe est simple, on appelle votre mec ou votre meuf, vous lui faites croire que vous avez envie de coucher avec quelqu'un d'autre juste un soir, vous lui demandez en gros l'autorisation, s'il ou elle s'énerve, c'est gagné, voilà. 01 40 71 5000, Antoine qui est avec nous à Épinal dans un instant, mais d'abord Guillaume de Blois. Donc tu es de retour Guillaume de Blois, 20 ans? Ah ouais, toujours au poste. Eh bah bienvenue à toi. Alors, Guillaume, raconte, t'as déjà fait quoi comme job d'été, puisqu'on en parlait tout à l'heure? J'ai été sapeur-pompier saisonnier à Morzine. Sapeur-pompier saisonnier, alors c'est-à-dire? Et tu fais pas ça comme ça, normalement? J'étais sapeur-pompier volontaire l'année dernière, et ouais. J'ai fait une saison à Morzine, voilà. Ah d'accord, ok. Et alors, en quoi c'était bien ou pas bien? Oh, c'était de la merde, hein. Mais pourquoi? C'est les deux pires mois de ma vie, clairement. Ah oui, à ce point-là. Mais mec, c'est les pompiers, ouais. Tu t'attendais à quoi? Que t'allais baiser des meufs et que t'allais aller à la plage? Bah non, ça marche pas. C'est un métier dur, hein, pompier, c'est pas la... Ouais, je connaissais pas encore, hein, tu vois. Ouais. En tout cas, ça a signé ma fin de carrière. Mais du coup, t'as arrêté derrière. Du coup, tu fais plus, quoi. Ouais. Mais c'est quoi qui t'a dégoûté le plus? Pourquoi? Parce que t'as vu que les mecs bossaient vraiment, que c'était des warriors ou Non, c'est que chacun en faisait à sa tête. Tous les saisonniers, en fait, ceux qui étaient déjà sur place, ceux qui n'étaient pas saisonniers, c'était des chouettes gars. Mais les saisonniers, c'était des connards, quoi. Ils se tiraient tous entre les pattes et puis voilà, quoi, ambiance de merde. Ah oui, d'accord, ok, ouais, forcément. Ouais, en règle générale, on était de garde une semaine sur deux et ben. Pendant que moi j'étais de garde pendant une semaine, les autres ils amusaient la nuit à pas me faire dormir, quoi. Ils balançaient des pétards dans ma chambre, ils enfumaient ma chambre. Mais après, ouais, je vais pas dire que c'est une bonne guerre, mais c'est quand tu démarres, quoi. C'est un peu, comment on appelle ça, le bizutage? Bizutage, ouais. C'est un peu le bizutage. Bon, après, oui, parfois c'est un peu. Ouais, enfin, ça aurait été sympa que ce soit qu'au début, quoi, mais pas tout le long de la saison. Ouais. Non, j'avoue. Mais le problème, c'est que du coup, ça t'a dégoûté, quoi. C'est ça qui est con. Ah oui, du coup, ouais, j'ai carrément arrêté là maintenant. Ouais, bah c'est con. Et du coup, t'en as fait d'autres des jobs d'été? Qui étaient bien ou pas bien? Non, j'ai pas fait après. D'accord, ok. Bon, t'as passé ton tour. Ouais, bah. Bon, bah écoute, ouais. Très bien. Bah, merci Guillaume. Ah bah de rien les gars. Tu nous rappelles quand tu veux, t'es le bienvenu comme d'hab. Y a pas de problème, merci. Ça roule. Salut Guillaume, ciao à toi. Salut. Bye. Et on est là pendant deux semaines de minuit à 3h. Hein. Si vous voulez participer à l'émission, vous êtes les bienvenus. 01 40 71 5000. Message qui dit, tu savais qu'il y a une chanson qui s'appelle Chien de la Casse de Massisteria? Non. En plus, j'adore Massisteria, moi. Ah bon? Ouais. Non, je connais pas, non. Bon, on va aller chercher ça. Chien de la Casse. La Friterie Alba qui dit, moi, dans deux semaines, vacances à la Côte d'Azur. Bah, profite bien, la Friterie Alba. Et Justine qui dit, ça fait plaisir de pouvoir vous écouter longtemps. Bah oui, on est là, t'as vu, profite. Et Benko du 42. Bonsoir à l'équipe de la Night. Une heure plus tôt, des rires et des insultes gratuites. Tof, je t'emmerde et je t'encule à sec. Tout est toujours gratuit ici, même les jeux. Dans sa gueule. Bon, on se fait le chéri, je peux te faire cocu à suivre. On va récupérer Seb de Quimper, Imen et Antoine. Et puis appelez-nous hein, si vous avez déjà fait des jobs de vacances, justement. Ça s'est bien ou mal passé? C'est quoi le plus beau ou le pire job que vous avez fait? 01 40 71 5000. Et puis James B, je l'ai promis, on se l'écoute maintenant. On est au cœur de la nuit sans pub. Il est minuit 56 sur NRJ. Try to keep you close to me. But I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Sur Énergie minuit 59, Chainsmokers, c'est ce qui va arriver également. Hey, il y aura aussi Drake, il y aura aussi Gnash, il y aura aussi David Guetta. Et il est 1h du mat, on est en direct jusqu'à 3h comme chaque soir pendant ces deux prochaines semaines sur Énergie. Tu t'énerves, tu tweets, tu cours, tu Facebook, tu Instagram, tu téléphones. Terminé tout ça. Ralentis. Prends ton temps. C'est les vacances avec Mickaël. Sur Énergie tous les soirs de minuit à 3h. Exact, on est là justement. Chainsmokers comme promis, c'est l'Antox qui dit: putain, j'ai pas pu vous écouter toute l'année, je suis enfin en vacances, ça fait bizarre de vous entendre. Ah oui, ça fait longtemps, c'est l'Antox que j'ai pu citer ton pseudo, dis donc. Ah ouais. Et Jojo du 7-8 aussi, je vais essayer d'écouter Mickaël après au moins le début, car demain je taffe. Bon bah écoute, bon courage à toi. Et Jeanne-François, salut les copains. Salut Jeanne-François. Bon, dis donc. The comeback. Bah ouais, putain, il y en a plein qui débarquent là. C'est cool, ça fait plaisir les gars. Bon bah 1h du mat, on est là, @emickaelofficiel si vous voulez venir nous rejoindre sur le Twitter de l'émission par exemple, vous m'ajoutez et puis bah comme ça on devient comme ça vous débarquez en fait tout simplement avec tout le monde, hein, je lis vos messages et puis tranquille avec le hashtag Mickaël. Et la PS4 ou la Xbox One à gagner sur le Facebook de l'émission, pour tenter votre chance, vous tapez MIKLOfficiel pour nous ajouter. Bon, Seb de Quimper, t'es là Seb de Quimper? Ouais, ouais. Tranquille ouais. Ou quoi? Tu es Navo? Ouais. Bon. T'es toi Kenavo? Non, des gamer map. Ah oui, c'est des gars. Kenavo, c'est au revoir. Ah d'accord, ok. Voilà. Eh bah casse-toi, bah Kenavo, c'est bien, au revoir. Kenar Mat. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille, Seb de Quimper. Bon, alors, on parlait de job d'été. T'as déjà fait quoi, toi, comme job d'été? Bah, moi, j'ai commencé en boîte, j'avais 19 ans, et en été. Et je faisais la sécu un peu, je ramassais les verres, tu vois. Ah ouais, donc c'est pas vraiment la sécu, tu ramassais les verres. Tu sécurisais les verres. C'était pour être sûr que les clients les volent pas. Ouais. Bah ouais. Non, mais voilà, je suis tombé sur un patron un peu con, quoi. C'est-à-dire? Et, Ouais, il voulait pas me payer bien, et puis il me disait, bah, je te paierai la semaine prochaine, hein, t'inquiète, ça marche, pas de problème. Toi, il était un peu. Jamais accepter ça, ah, les, ouais. Les, je paierai la semaine prochaine. Non, non, le mec, il paiera jamais, hein. Ouais, il me prenait pour un con, quoi. Ah, bah, ça, c'est clair. Toff a fait ça aussi au tout début où Polo a travaillé. Ouais. Ouais. Il a aussi dit, ouais, je te paierai le mois prochain parce que là, ça va pas, il a jamais payé. Hein. Ouais, jamais. Et j'ai tenu 8 mois. Hein. Et il a jamais payé, hein. Mmh. Et puis un jour, Polo a demandé de l'argent et Toff a répondu, qu'est-ce que tu vas faire avec de l'argent? Bah oui. Ah non, ça c'est un mec avec qui on travaillait, un espèce de connard d'ailleurs. J'emmerde, un jour c'est vrai. J'ai dit ouais, tu pourrais pas me. On peut pas, bah, tu vois, à un moment donné. Tu vois. Polo a commencé à travailler dans l'équipe, mais bénévolement comme ça. Ouais, non, mais pour le sport quoi, voilà, pour le sport. Pour la passion. Pour nous faire plaisir. Ouais, coup, voilà, c'est ça. Parce qu'il me kiffait déjà et à l'époque. Et après presque un an, effectivement, il quémandait un salaire. Quelle honte. La chevelure là, cette espèce d'enfoiré. Je lui dis ouais, deux, je négocie, je lui parle et tout. Il me dit mais tu vas faire quoi avec de l'argent? Je le regarde, et puis il commence à rigoler, il se barre. Et ça fait un an que tu vivais sans, alors. Il s'est dit que t'avais pas besoin, quoi. C'est qu'il arrive, quoi. Donc pas la peine d'avoir plus d'argent. Hein. C'est vrai. En plus, c'était plus efficace quand t'étais pas payé. Ah bon? Bon, et donc du coup, Seb, alors raconte un petit peu l'histoire, là, la suite. Bon, la suite, c'est que bon, j'ai arrêté au bout d'un mois, et puis je suis pas venu du jour au lendemain, quoi, tu vois. Ah oui, donc tu l'as bien mis dans la merde, quoi. Ouais. C'est mauvais, personne. Mais sinon, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais 11-12 ans avec les potes, on allait ramasser du picot. Du picot? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi du picot? C'est des algues. Ah! Et tu fais quoi avec ça? Ça payait des algues? Ils font des médicaments avec ça. Ah bon? Je sais qu'après, il y en a plein qui ramassent toutes les canettes, parce qu'après, ils revendent les canettes vides, et du coup, ça leur fait un peu d'oseille. Bon, il en faut beaucoup, des canettes, hein, pour avoir un peu d'argent, mais c'est vrai que ceux qui ramassent toutes les canettes, et après, ils vont les porter, je sais pas où, du coup, il y a moyen, ouais. Il y a moyen de se faire un peu d'argent. Bon, après, vous n'allez pas devenir millionnaire, hein, pas rêver. Mais c'est possible, ouais, c'est possible. Bon, c'est au poids. Ouais, c'est ça, là aussi. Des grands sacs. Et on mettait des cailloux dedans et puis on mettait dans la flotte avant de l'envoyer. Comme ça, ça faisait plus lourd. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Quel escroc alors. Bon bah merci Seb de Quimper. Bah avec plaisir, hein. Bon. J'ai fait surtout pour vous dire bonjour. Eh bah écoute, c'est gentil, bah tu passes quand tu veux, y a pas de souci. Hein. Ouais, parce que tu nous aimais plus avant. Bah ouais, mais c'est ça. Mais si, mais avec le boulot, je bosse plus de nuit en fait. Oh, c'est ça. Quoi, t'as un vrai métier maintenant? Ah si, si, mais je vais changer de boulot. Ah d'accord, parce que Seb de Quimper nous écoutait l'année dernière et il commentait toutes les nuits parce qu'il travaillait de nuit et puis après, plus de nouvelles. Et puis il venait, il nous ramenait des gâteaux au beurre, qui avec du beurre en fait. Ouais, il y avait du beurre avec un peu de gâteau. Et du sucre. Voilà, c'est ça. En fait, il faut pas de gluten en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça, pour Polo, faut pas de gluten, exactement. Tout à fait. Bon, salut Seb, merci d'avoir appelé, tu repasses quand tu veux en tout cas. Alors, voyons. Yes. Salut gros, ciao à toi, à bientôt, bye bye. Il y aura Imen dans un instant avec Clichy, salut Imen. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Hey, je suis désolé, mais t'arrives à le porter ce prénom? Bah, qu'est-ce que tu fais? Non, mais attends, mais c'est choquant quand même. Ah oui, mais bon. Imen. Elle a pas choisi. Bon, elle veut pas répondre. Bah non. Non, parce que c'est Imen, tu sais, un Imen. C'est un Imen, quoi. C'est un Imen, tu sais. C'est comme si tu t'appelais la chatte. C'est normal, c'est un prénom comme les autres, non? Bah non. Non, mais parce que ça veut dire aussi, tu sais, l'hymen dans le vagin, quoi, tu vois ce que je veux dire? La petite membrane, là. Voilà, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est Polo. Mais c'est comme si tu t'appelais clitoris. Ouais. Ouais. Ou vagina. Ouais. Bon bref, bon Imen, sinon tu nous appelles pourquoi, dis-moi? Alors moi je vous appelle en fait parce qu'en fait cet été en fait j'ai 16 ans. T'as 16 ans, ouais, d'accord. Voilà, et en fait j'ai comme projet entre parenthèses, c'est de devenir escorte. Escorte? Tu veux devenir escorte à 16 ans? Voilà. Ah, ça va être compliqué ça, hein. C'est pas très légal. Voilà, c'est pour ça, j'aurais m'avoir... T'es sérieuse là? Des conseils. Oui, bah, t'auras pas de conseils parce que c'est illégal en fait, Imen. Ouais. Ah oui, je t'assure, ici, et nous ne pouvons pas te donner des conseils là-dessus. Non, on peut éventuellement t'en donner à 18 ans, mais... Pas bon, à 16 ans. Bouge pas, Imen, on va en parler dans un instant. Cela dit, il y a des jobs d'été plus... Cela dit, c'est original. Hein, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Il y a qui vont bosser chez Carrefour et tout ça. Bon, là, après, c'est original. Bon, Imen, reste avec nous. Il y a Antoine dans un instant. Appelez-nous, vous qui êtes derrière votre radio, si vous voulez participer. Faites le 01 40 71 5000. Il y a Emma qui dit de retour du boulot avec mon homme. Comme d'habitude, on vous écoute. Le top, bonne continuation à tous. Bah, c'est gentil, Emma. Gros bisous à toi. Il y a Maëva aussi. Yay, plein de retours ce soir. Bah, ouais, on voit. Hein. Et Jenny Lynn qui dit hello tout le monde. Bonne émission. Deg, j'ai loupé une heure. Ah oui, bah, c'est pas grave. Il y a le replay sur energie.fr dès demain. T'inquiète pas. Va. Allez, bonne nuit tout le monde. Donc, 1h06. Du matin, il y a Drake qui va arriver et puis de Chainsmokers qu'on écoute tout de suite et surtout le Chéri je peux te faire cocu dans quelques minutes sur Énergie, 1h06 toujours au cœur de la nuit sans pub. Chéri je peux te faire cocu avec une auditrice ou un auditeur qui va piéger son copain ou sa copine, ça va se passer dans quelques minutes sur Énergie. crashing, hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name but you're not around. I say your name but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my c'est Mickaël, on est sur Énergie, bienvenue, il est 1h09, on est en direct jusqu'à 3h. Pendant les vacances, on est là de minuit à 3h sur Énergie. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Bah venez nous rejoindre, hein, Facebook, Twitter, Insta, vous tapez M-I-K-L officiel, comme ça vous voyez les photos qu'on met. Et puis vous allez pouvoir aussi, enfin je vais pouvoir surtout voir les photos que vous mettez. D'ailleurs venez nous rejoindre, j'ai mis une petite photo sympa avec un chat un peu grassouillé, si c'est votre cas avant les vacances, un peu galère. Vous pouvez la partager avec tous ceux qui ont un peu de gras à perdre. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc vous allez sur M-I-K-L officiel sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Avant de reprendre Imen qui veut devenir escorte à 16 ans, improbable. Si vous avez des conseils, des fois que 01 40 71 5000. Et puis on va en parler aussi dans un instant des jobs d'été que vous avez l'occasion de faire déjà. Si c'était bien ou pas bien, bah appelez-nous pour qu'on puisse en parler justement. 01 40 71 5000. Et si vous êtes en Belgique, eh bien vous faites le 02 703 007 1. 1h10 du mat. Et on va se faire maintenant le chéri, je peux te faire cocu. Chéri, je peux te faire cocu. C'est avec Marion qui est avec nous. Salut Marion. Salut, ça va et toi? Salut. Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Allez-vous? Mais oui, pardon. Bah oui, c'est vrai qu'on est plusieurs, évidemment. Bah oui. Bah oui, il y a Tof qui est là, il y a Polo, il y a Valentine qui est au standard, comme d'habitude. Et donc, toi, Marion, pour le chéri, je peux te faire cocu. Alors, tablette Samsung Galaxy Tab. Tab quoi? Ah! C'est la A qui t'a gagné, Valentine ? Je me souviens plus. C'est la A, voilà, c'est ça. Il y a des tablettes Arcos, il y a des consoles également, mais ça, on verra évidemment en fonction du degré d'énervement de ton mec, que nous allons appeler. Comment s'appelle ton mec d'ailleurs ? Il s'appelle Dylan. Il s'appelle Dylan. Quel âge il a ? Il a 19 ans. Ok. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait 2 ans et demi. Ok. Vous habitez ensemble ou pas encore ? Oui, on habite ensemble depuis peu. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il est employé au McDonald's en cuisine. En cuisine, d'accord, ok, très bien. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est un mec jaloux de base ou pas ? Oui, très très jaloux. C'est les meilleurs. Pour le jeu en tout cas, oui. Est-ce qu'il a des défauts physiques ? Est-ce qu'il a des complexes ? Tu sais, genre un petit peu le bite qui grossit, un peu de gras, les cheveux. Il sent l'huile du McDo. Il sent l'huile, les oreilles décollées, un gros nez, des boutons, enfin je sais pas, quelque chose. Quelque chose qu'il n'aime pas. Peut-être au niveau de son thorax, il a une malformation. C'est-à-dire ? Il a une double bite. Non, mais quel genre de malformation Mais non, c'est une malformation. Parce que chez Toff, la bite est au thorax. Non, il a une malformation, donc il a une deuxième bite au-dessus. Ah, au-dessus, ouais, c'est ouais, ça, c'est la corne. On peut pas se moquer d'une malformation. Mais justement, ça dépend de quelle est c'est quoi la malformation ? Je sais pas trop ce qu'il a en fait. C'est à la naissance, ils ont trop appuyé dessus, puis ça fait un os en trop, soi-disant. Quoi ? Ah bon ? Oui. Mais oui, il a porté plainte contre le mec qui a eu fait ça ? Tu viens de quel département ? Ah non. Tu viens d'où ? Il est de Amiens. Ah, c'est bizarre. Ah ouais. D'accord, ok. Et écoute, d'accord. Et il a pas autre chose ? Les oreilles décollées, les cheveux qui tombent, un peu dégarnis. Un début de calvitie. Mais il le vit mal ou pas ? Un peu, ouais. Eh ben voilà, tu vois, nickel. Ouais, et il a quel âge, rappelle ? Il a 19 ans. Ah oui, c'est chaud. Ah ouais, mais il y en a à 18 ans, ils ont plus un cheveu sur le crâne. Ah oui, 19 ans. C'est mort. Génétique aussi. Il y a aussi de ça, ouais, c'est clair. Putain. Enfin bon. Eh ben écoute, très bien. Qu'est-ce que je dois dire ? Bah, c'est tout. Tu fais quoi dans la vie, toi ? Rien pour l'instant, je vais me sortir des études. Ah, et tu cherches dans quoi ? Service à la personne. Auprès des personnes âgées. D'accord. Et où est-ce que t'es sorti récemment sans lui ? Où on aurait pu se rencontrer ? En boîte. En boîte, laquelle ? En boîte, ouais. Saint-Leu. Le quoi ? Saint-Leu, je sais plus. À Saint-Leu. À Saint-Leu ? Oui. D'accord, Saint-Leu. Ok, très bien, parfait. Et donc, c'est une boîte qui se trouve là-bas. Ok, on va dire que j'étais le barman. C'est bien, non ? Ouais, ouais. Ouais, barman, c'est bien. Hein ? Ouais, ouais. Ouais, barman, c'est pas mal. Et tu ressembles à quoi, toi, Marion ? Je suis grande, les cheveux blonds. Alors, grande, les cheveux blonds. Quel est ton tour de poitrine ? On s'en fout, oh là là. Je suis important. Ouais. C'est bien, toi, non ? Magnifique. Donc, quel est ton tour de poitrine, Marion ? 90B. D'accord, la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? Comment ? La taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 38. D'accord. Quel est ton parce que du coup on l'a pas fait dans l'ordre. Combien mesures-tu ? Il est tombé, alors du coup on a changé la règle. Ah bah oui. Combien mesures-tu ? 1m75. D'accord. Et combien pèses-tu ? 58. Ah, il faut parfait. Manger. Il va falloir manger. Elle est parfaite. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ce début de semaine et Polo est en forme. J'ai vu une gorgée d'eau là. Ça y est, est en forme. Il est au taquet. D'accord. Est-ce que t'as des points particuliers, des trucs qu'on voit que si t'es nu ou en petite tenue, c'est genre un petit point de beauté, un piercing, quelque chose. D'interrogation. Ouais. Un grain de beauté sur les fesses. Hein, bah parfait. Grain de beauté sur les fesses, laquelle ? Gauche. La fesse gauche. Très bien, eh ben écoute, ça nous paraît pas mal tout ça. Ne bouge pas de là, on va se mettre un son, je t'en prends juste après et on l'appelle dans la foulée, d'accord ? D'accord. Eh ben très bien, parfait, bouge pas de là, on se met Drake maintenant. Et puis chérie, je peux te faire cocu, Marion, juste après Drake. Passez une bonne nuit, il est 1h15, on est en direct sur NRJ. Bonne nuit tout le monde. Baby, I like on your ways, front way, back way, you know that I don't play, street's not safe, but I never run away, even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT, I pray to make it back in one piece, I pray, that's why I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold on me, I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. High up, I was taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. On est sur Énergie, il y a Gnash et David Guetta qui arrivent. Parce que quel que soit l'horaire, on ne changera pas. Énergie. Mickaël est sur Énergie. De minuit à 3h. Yeah. Bah oui, on est là de minuit à 3h. 1h18 donc, Gnash comme promis. Et puis retour avec le chéri, je peux te faire cocu. Et Marion donc, t'es toujours là Marion? Oui, c'est toujours là. Et bah parfait, nous allons pouvoir maintenant faire le chéri, je peux te faire cocu pour ceux qui viennent d'arriver. On va donc appeler Dylan. Le principe du jeu, évidemment, c'est que tu vas appeler ton mec, tu vas lui faire croire que t'as rencontré un mec, genre moi, Michel, évidemment, oui. Et que bah ce mec t'a proposé de coucher avec lui juste un soir et que bah toi t'as accepté. Voilà. Enfin, c'est pas que d'accord. T'as accepté, c'est que tu vas demander l'autorisation à ton mec de coucher avec moi juste d'accord. Un soir. Donc évidemment, on ne lui dit pas voilà, c'est fini entre nous, ça fait longtemps que ça va plus ou des trucs comme ça. Hein. C'est vraiment le but, c'est de l'énerver, pas qu'il chiale évidemment. Hein. Donc il a 19 ans, ils êtes ensemble depuis 2 ans et demi, vous habitez dans un appart, il est cuisinier au McDo, il est plutôt jaloux. Il a un début de calvitie qu'il vit assez mal, normal. Toi, t'es Marion, 19 ans aussi. Tu cherches du taf, tu viens de sortir de l'école. T'es grande, des cheveux blonds, 90B, 38 de tour de pantalon. Enfin, le dernier pantalon acheté en tout cas. Oui, 58 kilos et 1m75. Voilà. Merci, Toff. Avec plaisir. Et tu as un grain de beauté sur la fesse gauche. Je sais donc tout. Et on s'est rencontrés dans une boîte puisque je suis le barman à Saint-Leu, c'est ça? Oui. Et ben parfait. Bon, il est où là actuellement? Il a la maison. Et il vient de rentrer du travail. Et toi, t'es où? Ben, je suis chez ma mère. Enfin, je suis dehors parfait. Pour la peine. Ah oui, très bien. Bon, évidemment, et donc t'es dans quelle ville au fait, toi? Ah, t'es à Amiens, toi, d'accord. Amiens. Ok, donc tu dis qu'on est chez moi à la maison, hein, à Amiens aussi, sans donner d'adresse, évidemment, hein, je m'en occuperai. D'accord. Parfait. Allez, c'est parti, on y va Marion. On appelle Dylan maintenant, bonne chance. Nous on est derrière, donc je suis chez moi à la maison. Donc il se peut que je te demande d'aller chercher un truc à boire ou un truc comme ça, hein. Donc tu fais comme si, hein. D'accord. Allez. Allô? Allô, Dylan? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, tu fais quoi? Motivé, hein. Oh là là, la forme. Oh, ouais. On me détend. J'avais un truc à te dire. Wesh. Allô? C'est quoi le numéro que tu m'appelles, là? J'ai un truc à te dire, Dylan. C'est rigolo, ça va être... Dylan! Quoi, tu m'appelles, là? Oui. Bon, dépêche-toi là, parce que bon, on n'a pas la nuit, hein. C'est qui l'ordure là qui parle là? C'est Michel. C'est qui l'ordure direct? C'est quoi ça? Bon, vas-y, ça servait à... De toute façon, ça ne m'a rien de lui demander au final. En fait, je voulais savoir. Je voulais. Tension, là. Je voulais savoir si je pouvais te. Parce qu'elle commence à rigoler, le petite. Juste à quoi? Quoi? Si je pouvais te faire cocu, juste à quoi? Mais nique ta mère là, t'avais qui? Bah non, mais attends, mais c'était pas comme ça qu'il fallait lui dire. Fallait lui dire. Je croyais que tu voulais le prévenir parce que c'était avec lui depuis longtemps. Si c'était pour lui dire ça, Franco, c'était même pas la peine. Hein. Enfin, oui, bref. Bon, écoute, bon, bah voilà. Ouais. Fais ce que tu veux, après, c'est ton mec. De hein. toute façon, il a l'air de te tension. Ferme ta gueule, toi, espèce d'enculé de tes morts, là. Je vais te niquer, tu vas voir, sale bâtard. Mais sinon, passe-le-moi, je gère, hein, si tu veux. Hein. Moi, j'arrive à gérer en général les mecs comme ça qui se la ramènent un peu, tu vois. Vas-y, je te le passe. Tu sais, c'est un peu mon boulot, quoi. Donc, Putain de gueule, petit de pute, là. Bah, tu peux même chercher un petit verre, là, si tu veux, dans la cuisine, Marion, d'accord? Prends-toi une petite bouteille, un petit champagne, quelque chose, hein, fais-toi plaise. Eh, pas. Allô? Ouais, fils de pute, t'es qui, toi? Dis donc, du calme, un peu, je m'appelle Michel. T'es qui, toi? Ouais, je t'ai enculé, moi. Ah oui, c'est toi qui as le prénom du mec dans Beverly Hills, la série, là? Ouais, c'est ça. C'est Dylan. Allez où, Marion, là? Bah, elle est chez moi, où tu veux qu'elle soit, enfin, dans la cuisine, plus précisément. Ouais, et c'est où, c'est chez toi, toi? Bah, c'est à Amiens. C'est où, ça? Comment ça, c'est où, ça? Tu connais pas la ville d'Amiens? Bah oui, mais Amiens, où? Ah bah, Amiens, je suis à Amiens, pourquoi tu vas savoir ça? Parce que je vais t'enculer, fils de pute de tes morts, va. Et repasse mon Marion. Bah, dis donc, tu vas te calmer avant que je m'énerve, t'as compris? Parce que je suis pas insultant, là, hein. Mais vas-y, nique ta mère, va, passe-la moi, je vais te retrouver dans la rue, fils de pute. La dernière fois, je t'ai vu, t'étais avec ta pute de poussette, là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi. Eh, déjà, tu ferais mieux de te calmer, parce que quand on a un début de calvitie, on la met en veilleuse, hein, d'accord? Mais je vais t'enculer, moi, fils de pute. Moi, j'ai tous mes cheveux sur le crâne. Mais oh. Passe-moi un rayon. Ah, bah, elle est partie chercher à boire là, t'as pas entendu tout à l'heure là? Faut que je te débouche les oreilles aussi ou pas? Passe-moi Marion. Tu veux que je te souffle un peu dans les oreilles pour voir un petit peu s'il y a pas des trucs enlevés là? Passe-moi Marion. S'il y a pas un peu de gel dans l'oreille? Passe-la moi. Un peu de miel? Là, je vais te niquer, mon gars. Mais non, arrête de dire ça, arrête un peu ton cinéma là, t'es en train de t'énerver pour rien. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a pas de raison de t'énerver. Mais ferme ta gueule, fils de pute. Mais est-ce que tu te rends compte seulement de la chance que t'as? T'étais juste. La dernière fois, t'étais juste à cause de moi. T'aurais dû te niquer ta pute de race, toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu dois confondre. Moi, je suis barman dans une boîte. On s'est rencontrés là. On s'est rencontrés là-bas. On arrive, tu me dis ta pute de mort, là. Mais je vais te donner l'adresse, tu veux? Tu veux venir? Oh merde, il a raccroché. Attends. Je crois qu'il confond avec quelqu'un d'autre. J'ai peur qu'il le tue. Mais il parle de qui, là? Je sais pas. D'accord. Il parle de qui, là? Je sais pas, j'ai pas trop compris ce qu'il a raconté. Bah oui, c'est ça, c'est bizarre, hein. Bon, on va le rappeler. Et par contre, évite de rigoler, Marion. J'ai dû intervenir plus vite que prévu parce que tu rigolais, là. Je me suis dit, il va griller. Ah, j'ai eu du mal aussi. Bah, je sais. Bon, attends, je le rappelle. Il a pété un verre, là. Ah ouais, bah là. Même une bouteille, hein. On le rappelle, attends, bouge pas. Bien entendu, il l'a vu avant. Il a pas gâché. Ah bah non. Avec la paille. Ouais, qu'est-ce que tu veux, Pédé? Ouais, dis donc, tu me raccroches plus au nez, est-ce que c'est clair? Ouais, je t'enquête, tu vois, j'arrive. J'avais juste. Mais t'arrives. Oh, t'as pas l'adresse. Laisse-moi au moins te la donner. Qu'est-ce qu'il est? Oh, qu'il est bête. Le mec, il veut venir, il a pas l'adresse. Oh, qu'il est bête. Bon alors, t'as te connoté ou pas? Oh, qu'est-ce qu'il fout là? Il déménage ou quoi? Eh, Dylan! Mais qu'est-ce qu'il fait? Dylan! Allô? Quoi? Bon bah tu as de quoi noter ou tu veux l'adresse ou tu veux pas l'adresse? Ouais vas-y, donne-moi. Bon alors c'est numéro 17. Vas-y, dis. Alors R U E. Quoi? Non, j'épelle R U E. Ouais. C'est pour qu'il est sûr que tu sais qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, tu vois. Ouais, tu prends un coup, ce deux. Ah bah, pas du tout, c'est juste que, tu sais, après, il y a des gens qui savent pas écrire, hein, moi, je préfère être sûr. Hein. Je vais t'enculer, toi, ce le pute. Mais non, mais alors, attends, je suis en train de te rendre service, je te redonne l'adresse et tout de suite, t'es insultant, c'est quand même incroyable. Je vais t'enculer, fils de mort. Non, non, parce que mes parents sont vivants, donc je peux pas être fils de mort. C'est con ce que tu dis, en fait. Ouais. Hein? C'est un peu con comme insulte, là, fils de mort. Ouais. Bah oui. Mon gars. Bon, moi tu l'as où, c'est déjà ça. Mon gars, je te nique. Bon, attends, je vais te repasser Marion là, elle revient, c'est bon. Bah vas-y, tu peux déposer ça sur la table si tu veux, ouais, très bien. Ouais, c'est bon. C'est bon, il est d'accord. Bon, ça fait un peu bizarre, j'ai l'impression de parler avec un mec qui est au chiottes là, mais bon, bref. Mais il est d'accord, c'est bon, ouais, juste un soir et après il passe te reprendre, je lui ai donné l'adresse là. Donc voilà, tranquillement. T'es où là, Dylan? T'es en Formule 1 ou quoi? Ouais, mon gars. Mais tu vas où? Bah, je vais te quitter depuis toi. Mais oui, mais je t'étais. Tu vas où? 17 rue quoi? Hey, tu vas où? Je viens te niquer, fils de pute. Mais oui, mais où ça? Je te jure, si je la vois. Si elle est avec toi, mon gars, je vais te niquer ta mort. Tu vas me niquer, donc je meurs pas. Quoi? Donc je ne meurs pas, puisque tu niques ma mort. Oh ouais, fais le malin, toi. Non, mais j'essaie de comprendre. Mais tu veux niquer ma mort, je suis d'accord. Bon, je te la repasse. Mais hey, ralentis, on n'entend pas ce que tu... On n'entend pas, là. Oh ouais, ta mère, je vais l'enculer, ouais. Ah, ça, c'est déjà plus logique, mais bon. Bon. Hey, parce que moi aussi, je peux monter en voiture, hein, si tu veux. Hein. T'as quoi comme voiture? Ouais, bah la voiture va t'enculer, tu vois, trop les. Mais non, mais t'as quoi comme caisse? Attends, je la démarre la mienne. Là, je prends un petit coup là. Oula. Ah ah, qui c'est le meilleur? Mais je vais t'enculer, fils de pute là, avec tes bruits de marionnette, va. Mais pour une marionnette, c'est ma voiture, t'es sérieux ou quoi là? Mais ferme ta gueule, va, tu me feras pas un con quoi, c'est ton espèce de train là. Mais mon train, mais je suis pas en train, ok, il est con. Bon attends, ah ouais, je te repasse ta meuf. Juste un truc avant que je te la repasse, comme je vois que le feeling passe bien entre nous, il y a des trucs qu'elle aime bien sexuellement qu'elle a, ou qu'elle aime pas, que tu sais que comme j'ai le droit qu'à une fois, j'ai envie de me rater. Hein. Tu vas voir, t'as l'enculé dans même pas 5-10 minutes, je suis chez toi, sale bâtard, va. Mais tu sais pas où j'habite. Mais ferme ta gueule, va. D'ailleurs, c'est très sympa ce petit grain de beauté sur la fesse gauche. Hein. Le quoi? Le grain de beauté qui est là sur la fesse gauche, c'est très sexy, très érotique. Ouais, allez, vas-y, j'ai enculé. Bah ça m'intéresse pas, hein. je suis pas gay. Hein. Ah ouais, t'inquiète pas. Ah ouais. Non, bah moi je m'inquiète pas, pas de problème. Bon, je te la repasse. De paiement, va, fils de pute, là, avec ta Renault 5 de mort, va. T'as une Renault 5? Mais nique ta mère, je crois pas à toi, fils de pute, va. Je te jure, tout ce que tu veux, t'habites encore même endroit, là, tout près du centre. Mais on s'est jamais vu. Mais si, je t'ai déjà vu, fils de pute, là, avec ta gueule, la dernière fois, t'as baissé ta gueule de mort quand je suis passé à côté de toi, sale bâtard. Mais non, mais c'est, bah, tu dois confondre, je t'ai jamais vu. Je t'ai jamais vu. La gorge, je vais lui bider ses broyottes, on va broyer ta pute de race, là. Mais non, allez, dis pas ça. Bon, hé, hey, Dylan. Passe en rayon, elle est où, là? Elle est là, elle est à côté de moi, là. Ouais, bah. Je suis là. Là, donne-moi l'adresse. Alors, c'est 17 R. Oui, 17 rue quoi? Ah bah je vais te dire. Alors, bah, comme t'es dans la voiture, ça va être bien pour le GPS alors. Hein. C'est B-A-T-E-U. Quoi? B-A-T-E-U-L-I-C-A-T. C'est bon, t'as trouvé dans le GPS ou pas? C'est à Amiens. Mais nique ta mère, va. Mais non, mais arrête d'être insultant comme ça, je comprends pas pourquoi tu t'énerves autant. Ouais, bah oui, ouais. Bon. Okay. Bon. On va voir si tu vas faire le malin. Bon, allez, Dylan, je vais te proposer un truc. Tu fais demi-tour, ouais. Tu rentres chez toi et je te casse pas la gueule. Je vais t'enculer, moi, tu vas voir, fils de pute, je vais te mettre des coups de couteau dans ta gorge, va. Mais non, tu vas pas faire ça, Je vais te vider de tes boyaux, bâtard, va. Mais non, pas de ça entre nous, je suis pas un animal. Hein, je suis pas un animal. Bon, Dylan, ralentis là. Dylan, elle fait du bruit ta voiture, faut aller chez Midas. Quoi? Ah, c'est une Renault 19 qu'il a. Nickel. Ah, c'est une Renault 19. Ah bah voilà. Ça vaut bien la peine d'insulter le mec en Renault 5. Bon, Dylan. Ah, il boude. Eh, m'appelle pas, ça leur dire de mort. Bah comment je fais alors? Tu dis, je sais pas, tu m'appelles pas, c'est tout. Bah bon, je t'appelle pas, t'es là? Non, tu vas m'appeler mon maître quand je vais te casser la gueule, bâtard. Mais non. Allez, excuse-toi pour toutes ces âneries et je t'annonce une bonne nouvelle. Non, y a pas d'excuse, quoi que ce soit. Allez, dis je m'excuse, je suis Dylan, je m'excuse, je t'implore mon bon Michel de me pardonner. Quoi? Non, demande mon pardon et je te pardonne. Mais je pardonne rien du tout, fils de mort, va, je vais te niquer. Je suis là. Pas fils de mort, mes parents sont en vie. Mais vas-y là, attends, je suis tout prêt là. Bon, elle ralentit parce qu'elle fait du bruit la R19. Bon, Dylan. Ouais, va même pas du bruit sur ta gueule, tu vas voir. Mais non, Dylan, calme-toi. Calme-toi, tu vas te calmer de toute façon. Tu sais pourquoi tu vas te calmer? Non, je vais pas me calmer parce que mais je vais si. T'enculer. Mais non, tu vas pas m'enculer. Non. Tu sais pourquoi tu vas pas m'enculer? Pourquoi? Parce que t'es en direct sur Énergie. Ouais, il a du calme, bravo, c'est Mickaël, t'es à la radio. C'était le chéri, je peux te faire cocu, oui, Dylan, du calme. Oh putain, toi t'as démarré dans la voiture, oh direct là. Direct hein. La Formule 1 quoi. Waouh. Ah ouais, dis donc, la vache. C'est la première fois à la bite. Ah, c'est un truc de ouf. Dylan, t'es là? C'est quoi ça? C'est la radio, t'es à la radio, Panthère. Écoute Mickaël sur que du bon son, etc. Voilà. Que du hit. T'es à la radio, Dylan, la radio La Panthère. C'était une blague, c'était pour gagner, ouais. T'es où, Marion? Bah, elle est chez elle, je crois. Ça, t'es où? Ah non, t'es chez ta mère, Marion, c'est ça? Je suis chez ma mère. Voilà. Et nous, on est chez nous. Destresse. Et nous, on est à la radio. Je l'avais dit qu'il pèterait un câble. Ah oui, là, il a pété un câble. C'était pour gagner. Eh, Dylan. Et il a failli péter la voiture. Et il a failli péter la voiture. C'était pour gagner, alors, soit une tablette Samsung, la Galaxy Tab A, soit une PS4. Tu veux quoi? Enfin, tu veux quoi? En fait, c'est Marion qui doit choisir. Mais bon, Marion, tu choisis quoi? Ah, moi, la PS4. PS4. Bon, bah voilà. Dylan, PS4, ah, ça te va? PS4. Je vais vous enculer, je suis en train de trembler partout. Ouais, bah du calme, mets-toi sur le côté là, parce que tu veux nous griller le moteur de la R19 là. Ouais, ouais, faut pas. C'est le Renault 19 Chamade ou pas? Ouais, c'est la Baccara, la Baccara. C'est une Storia. Oh là là là. C'est une quoi, une Storia? Storia, ouais. Oui. Une Storia, ah oui, d'accord, ok, très bien. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait la Renault 5 Energy. Hein. Ouais. Bon, il y a longtemps. La 205 hein, mais... aussi. Et la... Ah, ça, je sais pas. Si, la R5 Energy, ça, je me souviens, ouais. Bon, bah, Dylan, allez, plus de peur que de mal, tout va bien, t'inquiète, la PS4, elle va arriver, ouais. Tu vas pouvoir jouer. Tu vas récupérer Marion, et je n'ai absolument jamais vu ses fesses avec son point de beauté. Bon, on aurait bien voulu, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu. Et puis, bon, vous restez au standard tous les deux, d'accord? D'accord. Bon, ah, okay. Et calme-toi, Dylan, hein, et tu vas pas tuer mort, hein? Hein? Parce qu'ils sont déjà morts. Ouais, non, non. Déjà, ouais. Ouais. Aller chez ta mère. Mais oui, je te la repasse oui, en antenne. Chez ma mère. T'inquiète, Dylan, je te la repasse en antenne, comme ça tu parles avec elle en privé, d'accord? Ouais. Bon, salut Dylan, salut Marion, gros bisous vous deux. Salut. Allez, ciao, et si vous avez envie de participer également au Chéri, je peux le faire cocu, on fera ça la semaine prochaine, bah un numéro, hein, 01 40 71 5000. Minuit 3h, on est à cet horaire-là toute cette semaine et toute la semaine prochaine. Si vous voulez participer, 01 40 71 5000, et Jeanne-Françoise qui dit putain, Dylan il est dans Fast and Furious avec la Renault 19 Chamade. Excellent lui, c'est la friterie Elba, vous me tuez, le canular de ouf, c'est Loki, bah merci Loki. Et Jeanne-Françoise qui dit elle n'a pas plus. Ah oui, rapport à Imen qui voulait devenir escorte, je lirai ton message dans un instant. Dès qu'on va récupérer Imen, on va se faire les appels mal intentionnés avec Toff également, toujours sur les préliminaires. Juste après, le son de Gnash qu'on écoute tout de suite. Il est 1h33, on est sur Énergie. Passez une bonne nuit. But I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. Be hurt. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this reel out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. Slowly killing me. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Bonne nuit tout le monde, il est 1h37. Je vous mets David Guetta et Pitbull qui arrivent. Ce sera juste avant 2h du matin sur NRJ. On change d'horaire. Alors suis-nous de minuit à 3h. Mickaël. Mickaël. Et sur NRJ. Bon, et on va récupérer Imen qui veut devenir escort girl, qui voulait des conseils. Antoine, Émilie et Léo également. Et d'abord, on va se faire les appels mal intentionnés. Appels mal intentionnés. Je vais pas m'étouffer. À base de préliminaires, puisqu'apparemment le préliminaire préféré des femmes, ce n'est pas le cunnilingus comme on pourrait l'imaginer. Bah visiblement, elles aiment quand on s'occupe de leur sein, il paraît. Ah donc, ouais. Bah oui. Les filles, donc appelez-nous déjà pour nous dire si c'est vrai ou pas. 01 40 71 5000 et si vous êtes en Belgique 02 703 0071 et puis bah du coup on peut en parler bien sûr. Donc Tof, tu vas voir avec tes amis comment ce qu'ils aiment comme préliminaire. Bah oui, ce que leur femme aime comme préliminaire en fonction de qui décroche grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, toph@energie.com ou par SMS vous envoyez Mickaël espace Tof et le numéro de la personne à appeler au 611. Allez, on y va, 1h38 du mat, c'est parti, on appelle. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir, c'est quoi votre préliminaire préféré ? Votre quoi ? Le préliminaire que vous préférez avec votre mari, c'est quoi ? Bon. C'est un peu vos fautes. Bah, c'est juste pour savoir. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme et en fait, je voulais savoir ce qu'elle préfère comme préliminaire. Je sais pas. Bah, comment ça, vous savez pas ? Allô ? Ah, ben il a raccroché. Ah, bah voilà, il sait pas. On le rappelle ? Bah oui. Moi, je pense qu'il raconte n'importe quoi. Bah voilà, en plus, il sait pas. On va le rappeler. Voilà. Allô, oui. Oui, je m'excuse monsieur, on a été coupé. Oui, c'est qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Bah, en fait. Vous êtes qui ? Je m'appelle Tof, monsieur. Et alors ? Et alors, en fait, je voulais savoir ce que votre femme, elle préfère comme préliminaire ? Vous voulez que je vienne niquer ta mère ? Bah, non, monsieur, pourquoi vous voulez faire ça ? Je préfère comme ça ? Bah, non, enfin, ça n'a aucun rapport avec la question, monsieur, pourquoi vous voulez faire ça ? Bah, comme ça, vous m'énervez comme. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Et où t'as trouvé mon numéro ? Bah, sur les pages blanches, monsieur, j'ai trouvé votre numéro. Sur le page de ta grosse mère. Mais pas fils de pute. Non, monsieur, pas de vulgarité, monsieur, ça se fait pas. Tu casses toi, c'est bon. Sinon, je vais venir niquer ta mère. Non, et monsieur, ma pauvre maman, laissez-la tranquille, elle a rien fait. Et moi, je te nique toi, même. Alors. Non, monsieur, non plus, ça c'est très violent, ça fait mal, ça ne sert à rien. Alors, va te faire foutre. Bah, non, monsieur, répondez à la question. Tranquille. Non, répondez à la question, monsieur. Maintenant, va te faire foutre et supprime ce numéro. Sinon, tu vas avoir des problèmes avec moi. Je suis pas là pour rigoler, ok ? Bah, moi non plus, monsieur. Je suis un arabe et je suis un sale arabe. Donc, il faut me méfier. Hein. Bah, d'accord, monsieur, mais okay, répondez à la question d'abord. Allez, va te faire foutre. Répondez à la question, monsieur. Allô ? Oh, il y a un message de Mike qui dit on dirait le frère de Tartman. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a peut-être ça, ouais. On va le rappeler quand même. Hein. Allez. En tout cas, méfie-toi. Ouais, je vais me méfier. Il est pas là pour rigoler. Non, il est pas là. Comme c'est Leica Mobile. Oula. Your call has been forwarded to an C'est Leica Mobile. Ah, Leica Mobile. Ok. Ouais, bon, tu connais pas Leica Mobile ? Non, je ne connais pas. Bah, c'est pas grave, on va en appeler un autre. Hein. Pas de problème, 1h40, on s'en branle. On est là, tranquille, on a le temps. On y va, on appelle un autre. Allez. Toujours avec la question sur les préliminaires, évidemment. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oui, je vous appelle. Oui. Je voulais savoir, c'est quoi votre préliminaire préféré avec votre mari? Comment? Le préliminaire que vous préférez, madame, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, ce soir? Bah, sexuellement, vous aimez commencer par quoi? Ah, ben là, raccroché. Donc, ça, on commence par rien, visiblement. Hein. Bah, c'est bizarre, ça, quand même. Bah, écoute, je sais pas, mais on va rappeler. Hein. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, je voulais savoir, c'est quoi votre préliminaire préféré? Et la vôtre, c'est quoi? Ben, moi, j'ai pas de femme, monsieur, donc. Et maman, elle veut pas que j'en ai. Oui, ben... Pardon? Non, je dis. Je dis, maman, elle veut pas que j'en ai. Mais écoutez, vous avez rien à faire ce soir. Ben non, monsieur, sinon je vous appellerai pas. Ah non, mais moi, je vous dis de plus m'appeler, ben là. Ben oui, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur. Ben, mais la question, je dis de plus m'appeler. C'est bon? Bah non, ça répond pas du tout à la question, ça, monsieur. Bah, non, mais la question, je veux pas vous la donner. Bah, pourquoi, monsieur, ça se fait pas? Bah, attends, alors, attendez. Je vous dis bonsoir. Bah, non, monsieur, je vous dis bonsoir. Non, vous avez pas répondu à la question, monsieur, ça se fait pas. Écoutez-moi. Hein? Bah, ça suffit maintenant le cinéma, hein? Mais c'est pas du cinéma, monsieur, je vous pose une question, la moindre des choses, c'est de répondre. Mais moi, je vous la réponds pas. Voilà, c'est bon. Bah, non, c'est pas bon. Terminé, maintenant. Non, c'est pas terminé. L'histoire, elle est terminée. Bah, non, monsieur, vous avez pas répondu, l'histoire, elle peut pas être terminée. Allô? Oh merde, nous voir accrocher. Ah non. Corse? Bah si. Oui, oui, c'est d'accord. Ah bah oui. Vous avez remarqué la politesse du mec? Il dit bonsoir à chaque fois. Vive les Corses. Toujours, on rappelle. Ah bah il veut plus décrocher, tu vois. Ah si. Je viens de communiquer votre numéro au gendarme. Bah oui, d'accord, madame, mais ça se fait pas. Pourquoi vous voulez pas répondre à la question? Non, non, mais je vous dis, j'ai donné votre numéro aux gendarmes. Oui, d'accord, mais d'abord vous avez donné... Eh bien voilà, vous n'avez pas le droit de nous casser les pieds. Mais je vous casse pas les pieds, je vous pose une question, madame, vous y répondez. Non, non, mais je vous dis, vous n'avez pas de question à me poser. Bah, si, c'est pour ça. J'ai donné votre numéro. Oui, vous me l'avez déjà dit, ça, madame, mais ça répond pas à ma question. Pour aider, eh bien c'est tout, maintenant. Bah, non, c'est pas tout, vous n'avez pas répondu. Merde à la fin. Non, madame, merde pas merde. À la fin. Non, non, pas de vulgarité merde entre nous. Merde à la fin. Non, ça se dit pas, madame. Allez, merde à la fin. Non, répondez à la question. Allô. Ah, j'aurais bien voulu un petit merde à la fin en plus. Ah oui. Merde, un petit dernier, merde à la fin, on rappelle. Bah, une dernière fois, après on passe à autre chose, hein, promis. Bah oui. On récupère Léo, Émilie, Antoine et Imène. Oui. Ah bah merde à la fin, je crois qu'elle décroche en plus. Elle l'avait dit, hein, merde à la fin. Hein, ça. Ouais, je pense que c'est foutu. Je l'ai trouvé moi sympa aussi, en plus les Corses. Aussi. Ah bah voilà. Eh ben okay. C'est pas grave, on en fera l'autre dans moins d'une heure. Vous avez d'autres numéros de téléphone, bah proposez-les maintenant. 01 40 71 5000. On fait le jeu du tupu également d'ici une petite demi-heure. Si vous voulez jouer avec nous, bah 01 40 71 5000. Vous appelez Valentine et Toff, ils sont au standard, vous jouez avec nous. Et puis on joue donc comme je le disais d'ici une petite demi-heure. On récupère Imen, Léo, Émilie, Antoine juste après le son de David Guetta et Zara Larsson. Il est 1h44, on est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Énergie de minuit à 3h du mat. We were born to fly, so let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let the moment drown our whole world out. We're in this together, hear our hearts beat together. We stand strong together. We're in. Et on est sur Énergie, 1h48 du matin, bienvenue. De minuit à 3h. Mickaël. Mickaël. Et sur Énergie. Bon allez, 1h48 donc, il y a Jeanne Françoise qui a envoyé un petit message là qui dit: Mickaël, le premier préféré Toff, c'est quand on lui graisse le gland au WD-40 pour tenter de déverrouiller son piercing. Mais quelle horreur. C'est vrai que Toff a un piercing qui n'arrive plus à dévisser. Sur le gland, hein, bien évidemment, il est rouillé. Donc, il faut le dire. Bah oui, apparemment, il faudrait mettre un petit peu de WD-40. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une espèce de petite bonbonne comme ça pour quand il y a quelque chose qui grippait, ouais. Une vis ou quoi, vous mettez ça et ça se dégrippe normalement. Je pense qu'il faut couper le gland carrément. Ouais, je pense. En même temps, il sert à rien. À l'écoute de vous, la famille, c'est Bastien. Salut à toi, Bastien. Et le podcast officiel. Salut la team. Bonne émission à toutes et tous. Bah, merci à toi. On va récupérer Imen. Alors, Imen, t'es toujours là, le cliché, là? Oui, je suis toujours là. Bon, très bien. Alors, Imen, toi, tu nous avais appelé parce que nous fais pas la vanne avec le prénom. Non, mais non, c'est fait. Une vraie question sérieuse. Quoi encore? Non, vas-y. Bon, vas-y. Non, Imen, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une escorte? Voilà, j'allais y venir justement parce que c'est de ça dont elle voulait parler. Elle veut devenir escorte alors qu'elle a 16 piges. Bah, c'est une voiture, non? Donc, Imen, c'est drôle ça. Putain, mais plus personne connaît la Ford Escort. Mais si, tout le monde connaît la Ford Escort. Tout le monde a un vieux mec qui roule en Ford Escort. Mais non. Bon, alors, Imen. Bon, alors, du coup, pourquoi tu veux devenir escorte à 16 piges? T'as pas autre chose à penser? En fait, parce qu'en fait, j'ai une amie en fait qui a 16 ans aussi, elle est escorte, et en fait, quand je la vois toujours, en fait, elle vient me voir, elle a des billets, des trucs et tout. Ouais, et mais en fait, d'accord, mais. Ça me donne envie. Non, mais d'accord, ok, mais après, il y a des billets, ok, tu peux avoir des billets, tu peux être blindé, mais est-ce que tu te sens de devenir escorte et de traîner chaud, avec des mecs dégueulasses qui vont te prendre pour un objet et qui vont juste te payer, en fait, ils vont t'utiliser comme ils vont louer une voiture, quoi? Ouais. Tu vois, dans une voiture en général, quand on loue une, tu fais pas attention, tu roules dans un trou, t'en as rien à foutre. Il y en a qui fument dedans, ils en ont rien à foutre. Tu sais, tu manges dedans, il y a les mecs qui tombent. Ben voilà, ils vont t'utiliser comme une caisse en fait. Ils en ont rien à foutre. Mais voilà, ils vont te donner des billets. Bah franchement, il y a quand même mieux, Imen, hein, sincèrement, à faire dans la vie. Hein. Ouais. Alors peut-être que ça gagnera un peu moins, ou pas. Il y a des métiers qui payent bien. Mais après, quand je vois que ma pote, elle fait des 2000 balles par semaine. Ouais, mais c'est de la merde. Mais d'accord, mais Imen, c'est un peu la même chose que comment dire. T'as parfois des mecs qui veulent payer pour baiser d'autres mecs. Moi, par exemple, jamais je pourrais accepter de l'argent pour baiser avec un mec. Je pourrais pas. Je suis pas gay, donc ça me dégoûte. Ça me dégoûte dans le sens où je pourrais pas le faire. Tu vois, comme un gay pourra pas baiser qu'une meuf. Ça va le dégoûter. Ouais. C'est la même chose. Donc même si on me paye, ouais, même si on me donne 10 000 euros, tu vois un billet de 10 000, enfin un billet, tu vois 10 000 euros sur la table ou plus, tu te dis ouais putain c'est alléchant, mais putain non, je peux pas. Alors je sais que Toff pourrait le faire. Ah bah même pour moins que ça. Hein. Mais même pour 5 000, moi je le fais. Hein. Mais moi je pourrais pas. Donc il y a un moment, voilà. Moi je le fais gratuit. Ah, trop aimable, quel gentil. T'as vu un peu. Ah oui. Mais voilà, non, mais à un moment, Imen, faut. Là, pas de l'argent, c'est bien. Il faut que ça motive. Mm-hmm. Mais il faut pas penser qu'à ça non plus, tu vois. Ouais, je vois. Et c'est nul, mais c'est pas un métier, Imen, hein, c'est un truc. Normalement, ça, en règle générale, à la base, c'était des meufs perdues qui font ça. Souvent des meufs de l'Est parce qu'elles ont pas d'autres moyens de s'en sortir, tu vois. Elles ont pas l'occasion comme toi. T'es à Clichy, tu peux faire des. Tu vois, t'es en France, tu peux faire des études gratos, quoi. Et tu peux avoir un haut niveau. Et tu sais, ça fait un peu vieux de dire ça, mais c'est vrai. Et ça, c'est vraiment des métiers de meufs qui ont rien dans le crâne. C'est pas méchant, hein. Ouais, je comprends. Mais t'imagines, t'es là, et c'est des. Et souvent, comme c'est des mecs qui ont du fric, c'est des vieux dégueulasses, hein. Ouais. Tu vas pas tomber sur. C'est pas Brad Pitt. C'est pas Brad Pitt qui va t'appeler tous les soirs. Brad Pitt, quand il a 20 ans, ou Ashton Kutcher, hein, qui vont venir, hein. Ou comme il s'appelle. Ça va être des mecs comme Toff, quoi. Voilà. Des mecs dégueulasses avec du bide, qui puent de la gueule. Et qui vont te mettre un billet. Bah ouais, ouais. Bah voilà, bah tu t'en as bien avancé, tiens. Ouais, je vois. Ouais, tu vois. Non, après, je dis pas ça pour te dégoûter. Après, tu fais ce que tu veux de ta vie. Hein. Bon, déjà, tu peux pas le faire à ton âge parce que voilà, c'est trop jeune. C'est surtout pas légal. Mais voilà. Écoute, après, je sais pas. Dites-nous si vous êtes une fille, vous avez déjà eu justement l'occasion de faire ça. Venez donner des conseils à Imen, en positif ou négatif. On va pas. Si vous dites que c'est positif, bon, on vous écoutera quand même. Hein, y a pas de problème. Et si c'est négatif, pareil. Donc 01 40 71 5000. Et les mecs, si vous avez déjà eu l'occasion de vous payer une escorte, appelez-nous également. Imen, reste avec nous. Du coup, on va prendre Émilie qui est avec nous. Salut Émilie à Montélimar. Comment ça va? Salut tout le monde. Ça va et vous? Mais oui, ça va bien. Dis-moi, tu sors de quel dessin animé? Je sors de quel dessin animé? Pourquoi? T'as une voix de dessin animé. Ah bah c'est la première fois qu'on me le dit. Ah bah voilà, bah écoute, tu vois, tu peux faire des voix de dessin animé, Émilie. Bah écoute, j'essayerai alors. Bah pas de problème. Bon, tu fais quoi dans la vie, Émilie? Moi, je suis chauffeur routier. D'accord. Ah oui, ça, c'est pas du tout dessin animé, par contre. Hein. Non, c'est pas du tout dessin animé. Et c'est marrant, c'est une voix de dessin animé, et puis tu roules avec des semi-remorques. C'est marrant. Oui. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, Emily, raconte, toi, tu nous appelais pour les jobs d'été. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, justement. Est-ce que vous avez déjà fait des jobs d'été? Est-ce que lesquels étaient bien, pas bien, drôle, pas drôle, chiant ou possible, etc., etc. Alors, t'as fait quoi, toi? Moi, j'ai fait les saisons. En fait, je travaille dans les champs. Ouais. Ah, je croyais que t'étais genre, tu sais, saison Club Med, tu vois. Non, tu vois, genre toute la journée au soleil, sous 40 degrés. Quand tu rentres chez toi, t'as des bons coups de soleil. Aïe, bah oui. Ouais. Ah ouais, bah oui, forcément. Mais c'est parce que sinon, saisonnier dans les clubs, mec, tu baisses de ouf, hein. Ah ouais, bon, je sais. Ah bah mec, bah bien sûr. Les mecs qui sont dans les clubs, qui sont géo, tout ça là, dans les clubs, soit les clubs en hiver à la montagne, soit les clubs à la plage en été ou piscine, tout ça. Mais les mecs, ils se lèvent des meufs de chez meufs. Toi, si t'avais eu le corps, t'aurais pu le faire, hein. Non, Géo, franchement, ouais, ouais, c'est... Géo, mec, tu lèves à mort. Hein. C'est un truc de dingue. T'as même pas besoin de corps. Tu vois, c'est ça. Franchement, tous les mecs. Pas besoin de corps. Non, il faut un peu de tchatch, mais il faut pas arriver là en mode moluche, quoi. Du moment que t'es drôle, que t'as un peu de tchatch, machin, tu sers tout ce que tu veux, parce que les meufs, elles sont là, tu vois, elles sont dispo. Et je rappelle que c'est les moniteurs de ski, les champions pour ça, à tromper, enfin, qui sert les meufs déjà en couple, hein. Non. C'était une étude, on l'avait fait dans un appel à un moment. En fait, les meufs trompent plus facilement avec leur moniteur de ski en vacances. C'est numéro un des adultères, c'est ça. Ah ouais. Ouais, on l'avait fait dans un appel. Ah oui, c'est vrai, putain. Oui, t'as raison en plus. Ah oui, c'est vrai. Putain, blague à part, il y a Marion qui, celle qui a fait le chéri, je peux te faire cocu. Ouais. Qui vient de m'envoyer une photo de sa balayette avec le verre que Dylan a cassé de colère au chéri, je peux te faire cocu. Avant, vous avez entendu Scring. Ouais. Elle vient de m'envoyer la photo, trop drôle. Putain, il a pété le verre, hein. Il a rien à foutre. C'est un ouf. C'est un dingue. Bon, bref. Et donc, Emily, donc saisonnière dans les champs. Ouais, ça doit être hard, hein, quand même. Hein. Ouais, et c'est chiant. T'as fait d'autres jobs d'été ou jamais? Non. Pas spécialement, non. Je sais qu'il y a restauration aussi, c'est quand même bien hard. Ouais, la restauration, c'est chiant aussi. C'est long, c'est chiant, c'est dur. Ouais, parce que déjà, il faut. Le problème, c'est que tu dois déjà servir des gens. Alors après, il y en a qui ça va, et puis il y en a qui supportent pas ça. Mais en fait, moi, j'ai pas de problème à servir les gens. Je pense que je pourrais bosser là-dedans. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui me font des remarques ou qui m'agressent. C'est qu'ils me prennent, ouais. Et qui prennent les serveurs pour des merdes. Ouais, c'est genre clair. Ils sont là, ils sont assis, c'est eux les patrons. Oui, tu sais, genre ils donnent des ordres, mais tu sais, ils te parlent comme si t'étais un chien, quoi. Il y a un moment, putain, ça, t'as. Je pense que je prends le verre, je lui mets sur la gueule, mec. Ouais, donc tu vois, ouais. Je ferai pas carrière à mon avis dans la restauration, mais tu me diras en même temps, c'est pas par là que je vais. Bon bah nickel. Bah écoute, Emily, et du coup, ça va, camion aujourd'hui, tu kiffes? Oui, ça va. Bah je travaille de nuit, donc ça va. Ah ouais. Eh bah oui, c'est clair. Bon bah écoute, profites-en bien alors, Emily. Hein. Oui. Est-ce que je peux donner un petit conseil à Imen? Mais avec plaisir, elle est là. Imen, il y a Emily justement qui est là. Salut. Oui. Voilà. Salut Imen. Ouais. Et bah écoute, si je peux te donner un petit conseil perso, évite de faire ça parce que les femmes qui font ça au jour d'aujourd'hui, t'as plus de vie. C'est comme si tu te prostituais en fait. Ah mais c'est ça? C'est de la prostitution, donc vis-à-vis de toi et de ta famille, je pense que tu pourrais pas supporter de te voir telle comme ça, tu vois. Tu pourrais pas te regarder tous les jours dans une glace. Donc voilà, c'est le petit conseil que je peux te donner. Mais voilà, tout simplement. Je pense qu'Imène pose des questions, tout ça, et puis voilà, elle aura des réponses au fur et à mesure. En tout cas, merci beaucoup, Émilie. Bouge pas, Émilie. Bah, de rien, passez une bonne soirée. Et gros bisous. Comme ça, je vous écoute tous les soirs. Oh, c'est gentil, Émilie. Je te fais des gros bisous, à bientôt. Moi aussi, à bientôt. Tu nous rappelles quand tu veux, évidemment. Antoine, Léo, bougez pas. Ah, tiens, Émilie, attends, bouge pas tant que je t'ai au téléphone. C'est vrai, l'histoire des préliminaires, là, avec les appels mal intentionnés tof, que les femmes préfèrent qu'on s'occupe de leur sein plutôt que leur faire un cuni? Bah, moi, personnellement, c'est vrai. C'est après, vrai les autres, oui, pour moi, oui, je préfère ça que le cuni. Franchement, c'est ce que je préfère. Ah ouais. Ah tiens, c'est marrant, ça. C'est vrai, c'est marrant. Ouais, non, ah, c'est bizarre. Vraiment à ce que les meufs kiffent, comme les mecs kiffent la pipe, que les meufs kiffent le cuni. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait des femmes qui préfèrent qu'on s'occupe de leur sein plutôt que de leur cuni. Ah ouais, bah dis donc, bah voilà, bah très bien, bon, on se couchera moins con comme ça. Bah merci beaucoup, Émilie. Et bah de rien, je t'embrasse, gros bisous, salut à toi. Et les autres, appelez-nous du coup, les filles, hein, pour nous dire ou pas. 01 40 71 5000. Gaëlle qui dit le pire, ce sera quand elle voudra arrêter et se poser avec un mec, elle aura du mal à trouver un mec avec la réputation qu'il aura. Oui, bon, après, la réputation, elle n'est pas obligée de rester dans la même ville ou de travailler dans cette ville-là, hein, ça, c'est pas vraiment une excuse, bien que. Bon, on écoute Pitbull et Macassi maintenant, il est 1h50. On est sur Énergie, toujours au cœur de la nuit sans pub. Et on est là de minuit à 3h en direct sur Énergie. une nuit de folie, chérie, viens dans mon taxi. D'ailleurs, 2h du mat, on est sur énergie, il y a Mommy qui va arriver. Pendant les vacances, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on ne vous laisse pas tomber. Tous les soirs, de minuit à 3h, c'est Mickaël. Mickaël sur énergie. Bah oui, on est là évidemment. Je vous mets comme promis également le son de Pink qui va arriver. Tiens, Pink, bah c'est ça, pour ceux qui connaissent pas, écoutez bien, pourquoi ça marche pas. Ah voilà, il est là. Et il y aura aussi le son de Mommy, comme promis. À 2h du mat, ça va arriver. Hein. Le jeu du tupu va débarquer également. Et le polo show, ce sera dans moins d'une heure sur Énergie. En attendant, il y a Antoine qui est avec nous à Épinal. Salut Antoine. Antoine. Alors Antoine m'envoie un message sur Facebook. Il dit attention, je vais passer. Bah, du coup, il est pas là. Bon bah Antoine, tant pis, hein, c'est pas grave, prochaine fois on va dire, hein, c'est pas un problème, hein. Y a pas de soucis, tu rappelles quand tu veux. Où est-ce qu'il est ? Léo qui est avec nous à Monaco, salut Léo. Salut. Monsieur est blindé. C'est genre... Vous allez bien ? C'est parce qu'il habite à Monaco. Oui, ça va bien Léo et toi ? Ouais, ça va, pas fatigué mais ça va, je bosse demain, donc ça va. Ouais bah bon courage, tu fais quoi dans la vie ? Merci. Bah là je vais être en formation moniteur éducateur sur Nice. D'accord, ok, très bien. Bon, voilà. Bah, écoute, parfait. Alors, raconte Léo, job d'été, on en parlait tout à l'heure, t'as fait quoi comme job d'été, bien ou pas bien justement ? Bah là, du 15 au 30, je suis à l'office du tourisme, oui. Monaco. Oui. Et sinon, bah, l'été dernier, j'étais en chantier international avec des jeunes, après avec la sûreté publique, pendant le, des fois l'été ou sinon pendant le Grand Prix, comme vous savez, comme on a, comme on a le Grand Prix en ce moment, enfin en ce moment, en mai. Donc voilà quoi. Ouais. Après, ben normalement, là, tout le mois de juillet, je vais être en banque. D'accord. Donc voilà, quoi. Ça va, tranquille. Ouais. C'est bien, si t'étais sympa. Et du coup, à Monaco, ouais. tu vas te mettre bien au niveau pognon, là, en banque, non ? C'est bien payé, hein ? Ou pas ? Oui, on va dire ça. Je vais pas mal de sous que je dois donner à des personnes, donc voilà, quoi. Ah mais ça après c'est tes dettes, mais ça ouais. Ça rentre pas en compte dans le fait que tu sois bien ou mal payé, hein. Oui. Tu sais, oui, tu vas pas voir ton patron en disant bah écoutez vous êtes payé 2000 euros. Non mais écoutez, après vous savez j'ai des dettes, faut que je dois payer 1500 euros par mois, donc payez-moi 3000 euros. Il va dire bah non. Oui, tu vois, c'est ce que toi fais essayer de faire avec moi, mais ça a pas marché, hein. Donc ouais, bah, non. Bon bah d'accord, ok, tranquille. Et t'as déjà fait un job d'été bien merdique? Franchement le chantier international c'était vraiment le truc merdique. C'était quoi ça? C'est genre on s'occupe de jeunes et on dormait mais genre dans des trucs dégueulasses, sur des lits complètement, mais c'était même pas des lits, c'était des trucs genre militaires, tu vois. Ah ouais. Et c'était vraiment, mais plus jamais à faire. Ah ouais. Ah non, je dormais pas la nuit, le matin on se levait à 8h, on se faisait bosser les jeunes, enfin les jeunes, entre 16 et 20, je sais pas combien. Ouais. Et l'après-midi, on faisait de la marche, plein de trucs. Et le soir, on buvait comme pas possible. Ce qui fait que le lendemain, bon, ben voilà quoi. Ah ouais, du coup, tu étais torché, c'était la galère. Ouais. Ah oui, voilà, bah, j'imagine. Ah, d'accord, mais ok. Mais sinon, ouais, c'était super. Souvenir excellent, mais c'est juste le niveau. Difficile. Ouais, bah je me doute, ouais. Bon, bah merci Léo d'avoir appelé. Bah de rien. Tu rappelles voilà, quand tu veux. Un gros bisou à vous tous. Il voilà, y a aucun quoi. Problème. Salut Léo, et à voilà. bientôt. Salut, à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. Récupération de Sarah qui est avec nous à Bordeaux, qui voulait donner un petit conseil à Imen, qui veut devenir escorte à 16 ans déjà. Hein. Salut Sarah de Bordeaux. Salut toute l'équipe. Comment ça va? Là, ça va, ça va. Salut. Bon, bah bienvenue. T'as 33 ans, Sarah, tu fais quoi dans la vie toi? Chauffeur routier. D'accord, ok, très bien. Alors, Sarah, tu veux donner un avis par rapport à Imen avec son histoire d'escorte, là? Oui, parce que je pense qu'elle regarde pour la télé, quoi. Escort girl, faut quand même dire à la base que c'est quand même pute de luxe. Quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Faut arrêter de se voiler la face, sa copine, peut-être qu'elle se fait les billets, mais elle oublie de lui dire qu'elle prête son cul à n'importe qui, quand même. Parce que faut pas oublier, Sarah, c'est qu'avant, les escortes, c'était des meufs qui accompagnaient vraiment. Mais tu sais, c'est dans les années 80, quoi. Ouais, c'était ouais, les. Ça date quand même. Hein. Oui, non, mais avant, c'était ça. Les meufs, elles accompagnaient des mecs blindés. Des mecs qui voulaient pas se faire chier à trouver une meuf sur place. Enfin, qui voilà. voulaient pas venir avec leur meuf, quoi. Et puis, ils couchaient pas forcément ensemble. Il y avait pas forcément de relation sexuelle. Ouais, pas... mais alors. Mais non, voilà, mais l'homme ouais, bien, il l'utilisait uniquement pour le paraître. Voilà, voilà pour être avec une belle et elle femme. Devait être hyper cultivée. Et oui, ouais. il y avait tout un truc. Elle devait être méga bonne aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est devenu, en fait, maintenant, à cause d'Internet. C'est devenu une espèce d'excuse pour dire c'est de la prostitution de luxe, quoi. Ouais, mais après, il y en a qui, effectivement, vont au bout, hein. Qui effectivement. Bah, les trois quarts, je pense, vont au bout quand même. Hein, parce que faut savoir, à mon avis, qu'elles touchent encore plus cher si elles vont encore plus loin. Donc. Mais après, moi, j'ai vu des sites de meufs où c'est écrit explicitement qu'elles ne couchent pas, quoi. Tu vois, c'est, tu vois que c'est des meufs hyper classe et tout, mais c'est écrit pas de sexe, quoi. Ouais. Ouais, c'est... moi, je. Enfin, elle a 16 ans, la fille, quand même. Oui, non, mais c'est ça. Après, ça, c'est... Mais quel âge a ta copine, Imen? Tu dis qu'elle est déjà escorte. Elle a 16 ans, elle a mon âge. Mais elle est escorte. Mais qu'est-ce que c'est juste... que ce truc, là ? Ils sont où, vos parents, un peu sérieux? Mais c'est pas ça. Mais tu sais que c'est juste que c'est de la tôle, hein, pour le mec qui paye les services. Déjà, sortir un adulte qui sort avec une mineure, c'est déjà tendu. Enfin, 16 ans, ça passe, mais ça dépend de l'âge de l'adulte. Mais en plus, qui paye, un mec, il vend tôle. Mais juste, Imen, t'as eu combien de mecs dans ta vie? Moi? Ouais, enfin dans ton lit, hein, pas je veux dire bisous, bisous, j'en ai rien à foutre. Plusieurs. Non, mais c'est pas un combien plusieurs Franchement, une dizaine. Ah oui, d'accord. Non, ah ouais, 16 ans, okay, une dizaine. Okay, non, non, j'ai rien à dire alors. Ouais, 16 ans, bah, j'avais un argument, mais. Ouais, ouais, non, non. Écoute, après, bon, Imen, globalement, tu fais ce que tu veux, même si légalement, tu n'as pas le droit de le faire, mais après, même si t'as attendu jusqu'à 18 ans, tu vas pouvoir le faire, mais. Enfin, je pense que t'as quand même mieux à faire. Enfin. T'as mieux à espérer. Pas pire, quoi. Voilà, c'est ça. Et le jour où t'auras des gamins, tu feras comment pour leur expliquer que leur mère, elle était en haut? Ouais, enfin, ça, ils sont peut-être pas obligés de le savoir. T'es pas obligé de le dire, hein. Ça fait partie des secrets de famille, hein. Ouais. Non, voilà, c'est ouais, ça. Vrai, je veux pas faire ça tout le temps, en fait. En fait, juste cet été, en fait, je vais partir en vacances et c'est juste pendant les vacances, en fait. Juste pour me faire de l'argent. Ouais, mais tu te rends compte que tu vas devoir te faire tripoter quand même par des vieux saliques, quoi, des vieux dégueulasses. Et ça te dérange pas que des vieux. Pas que des mecs qui soient dégueulasses posent la main sur ton corps, du coup, tu respectes pas un minimum, quand c'est même. C'est ça. T'auras pas Brad Pitt, hein, Imen. Hein. Bah non, c'est clair. Enfin, tu vis pas dans le monde des bisounours non plus, quoi. Bah ouais. Attends deux secondes, il y a John, là, qu'on va prendre dans quelques minutes. John qui lui a déjà couché avec une escorte et Cédric aussi. Alors, Sarah et Imen, bah, du coup, bougez pas de là, les filles. Je vous reprends dans quelques minutes. On va se faire le jeu du tupu également avec Raphaël. Et puis, il y aura Maxime aussi, qui lui aussi est un spécialiste, justement. Vous bougez pas de là, Cédric également. Vous bougez pas, il est 2h08, on est sur Énergie. Comme toutes les nuits d'ailleurs, hein, pendant les vacances, on fait minuit, 3h. Enfin, pendant les vacances. Les deux premières semaines et après, on fera 20h minuit pendant les congés de Coé, de Guillaume, 2h08. Passez une bonne nuit, c'est Mickaël sur Énergie. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. So suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. Charlie Black va arriver, il y aura Pink et il y aura aussi Dimitri Vegas. Mickaël passe en mode été. Alors soyez là avec nous tous les soirs pour s'amuser et délirer sur Énergie de minuit à 3h. Oui, pendant ces deux semaines, on fait minuit 3h et puis bah, juste après, on enquira hein, sur le 20h minuit. Donfi qui dit yo l'équipe, l'été dernier, j'ai fait 3 mois bel en bras en cuisine à côté de Nice et c'était le top. Ouais, il paraît que c'est cool. C'est vrai que bah, après, c'est un club. Hein. Il y a moyen de, justement de pécho, on va dire ça comme ça. Donc ouais, ça peut être un bon plan, ça. À voir, à tester en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a Soadam qui dit faut lui dire escorte, c'est pute de luxe, mais ça reste pute quand même. Et Toff, il sort de quel film d'horreur? C'est Mathieu qui va envoyer le message. Ah, plein, Amityville, il a joué dans Freddy, les il, trucs. Il joue dans tous les films d'horreur. Et dans la poupée, là, Chucky aussi. Ah, voilà. Carrie aussi. Et il a joué dans tous les films d'horreur, ce c'est monstre. Podcast officiel qui dit franchement, vaut mieux qu'elle passe ses examens et qu'elle ait un meilleur boulot. Et enfin, Jeanne-François, s'il n'y a pas que l'argent dans la vie, avec de la thune, mais sans respect ni estime de soi, elle a un bel avenir quand même. Cela dit, Toff pourrait faire pute, ça le dérangerait pas. Hein. Ouais, mais ah bah, c'est pas non, pareil. Après, si moi, il y avait des meufs qui voudraient payer pour coucher avec moi, j'aimerais bien. Gratos, il n'y arrive pas. Mais c'est ça, c'est-à-dire que gratos, j'y arrive pas, même en les payant moi, j'y arrive pas alors. Alors, t'imagines, il est un peu bloqué quoi. Franchement, moi, ça me gênerait. Tu sais, tu couches avec une meuf et puis, tu sais, franchement, je dois dire. Non, et tu sais, elle te pose une liasse de billets, puis elle te le pose comme ça et te dit, tiens. Tu veux dire, mais attends, t'es sérieux? Tu sais, franchement, mais, c'est. Bon, c'est une bombe de meuf. Mais non, mais non, mais moi, tu rigoles, mais moi, ça m'est arrivé une fois, en fait, là. Oh. Oh. Non, non, non, c'est pas ça. Donc... Oh, Christ! Laisse-moi raconter l'histoire. Donc, on va à l'hôtel avec la meuf, et donc, voilà, on baise, machin et tout. Et donc, le matin, elle devait partir tôt, donc elle prend sa douche, et elle se barre. Et en fait, moi, le temps qu'elle prenne sa douche, je me suis rendormi. Et en fait, la meuf, elle m'avait laissé de la thune pour payer la chambre sur la table de nuit. Quel clochard! Tu l'as pas rendu, évidemment. J'avais rien demandé et tout. Non, si, on s'est revu après et voilà, je lui ai rendu, mais voilà. Tu l'as rendu contre une pipe, non, c'est pas ça? Ah, bah, on a couché plus qu'une pipe après. Ouais. Donc voilà, mais ouais, non, la meuf, elle avait laissé de quoi payer la chambre sur la table de nuit. Eh ben. Voilà, mais c'est la seule fois où une meuf m'a laissé de l'argent. Ah sur oui, la table d'accord, de nuit. Il semblait bien, ouais. Bon, Imen, qui voulait devenir escorte à 16 ans, peu tôt quand même, hein. Sarah qui était là aussi pour lui dire que c'était un peu con. Et on a Cédric qui est avec nous et qui, lui, sa copine, était escorte. C'est ça, Cédric? Ouais, salut les gars. Un Bordelais également. Salut Cédric. Oui. Alors, Bordeaux d'ailleurs qui va recevoir Italie-Allemagne en quart de finale du coup, hein. Ah ouais, c'est les Bordelais qui reçoivent. Alors Cédric, bon, qu'est-ce que tu voulais dire à Imen au rapport aux escortes justement? Bon bah moi par rapport à ça, bon je l'encourage pas, je l'encourage pas, c'est pas pour l'encourager, après elle fait son choix. Mais moi ma petite amie actuelle a été escorte à partir de 15 ans. Ouais ouais. Oh mon dieu. Elle a été escorte, enfin ça bien sûr je l'ai su quand je l'ai connue, hein. C'est pas que je le connaissais pas. Ouais. Mais donc, elle habitait la région parisienne, et puis apparemment, c'est quand même assez fréquent que vers cet âge-là, il y ait des pratiques comme ça là-bas. Et oh, là-bas, on croit que tu parles d'un pays lointain. Ouais, en Sibérie, là-bas, tu sais, avec les Inuits. Non, mais disons que, vu, voilà, Paris, vu la taille des villes, vu tout, enfin, je vais pas dire les bars, mais tout ça, mais il y a beaucoup de gamines qui rentrent là-dedans, peut-être, je pense, plus que dans les autres villes. Et apparemment, c'est assez fréquent, parce que d'après ce qu'elle m'a dit, enfin, elle connaissait plein de copines à elle, qui a même plus tôt que 15 ans été déjà escorte. Et voilà, ça traîne dans les bars, elles connaissent ça dans les bars, elles font des connaissances là-bas, elles passent par là parce que forcément, ben, vous voyez l'argent. Et puis voilà, donc, moi, elle a été escorte pendant 4 ans, et en fait, elle a arrêté depuis que je suis avec elle. Et toi, tu l'as rencontrée dans le cadre de sa fonction? Ah oui, il l'a payé, hein. Non, moi, je l'ai rencontrée, mais la rencontre complètement con, c'est... Et ben, on sortait tous les deux d'un supermarché, elle était hyper chargée, je lui proposais de porter ses courses gentleman. On a discuté comme ça, et puis après, on s'est revus parce qu'on a sympathisé, et puis elle me l'a avoué avant qu'on aille plus loin. Elle m'a dit qu'elle était escorte, et puis, Bon, je tiens de prévenir, tu seras le cinquième de la journée. Ouais, encore c'était une petite journée ça peut-être, mais... Ah putain, oui, quand même. Bah après, faut savoir que bon, après ça dépend au niveau des tarifs, mais bon, c'est comme tout au début, enfin après, ce qu'elle me parle par rapport à ce qu'elle avait elle et ses copines, voilà, au début tu commences, tu te dis bon, je vais me faire tant, et puis après, bah si ça marche, après je sais pas à quoi ressemble l'humain, je sais pas du tout, voilà, mais si ça marche bien, tu te fais tant, après tu veux toujours plus, et puis... Tu pars dans un truc où tu claques ton pognon. Mais oui, mais c'est comme tout, c'est comme tout, c'est comme les voleurs, tous ceux qui arrivent à piquer des trucs, dès qu'ils en piquent un petit truc, ils se disent, oh putain, je peux arriver à piquer plus, et ainsi de suite. Et le problème, c'est qu'à un moment, tu peux pas t'arrêter, tu te fais gauler, quoi, c'est tout, comme tous, hein. Tu sais, il y a un mec qui va faire un braquage, ça va passer, il va dire, oh putain, je peux le refaire une deuxième fois, je vais troisième et quatrième, et puis bam, tu te fais gauler. Après, les mecs se sentent immortels. Ouais, exactement, ouais. De quoi? À la saison, ouais. Ah ouais, bien sûr. Mais après, ce qu'il faut qu'elle sache, enfin après, faut qu'elle prenne aussi conscience des dangers, parce que elle peut tomber sur n'importe quel taré. Ça faut quand même le savoir que ça arrive qu'elle puisse tomber sur quelqu'un de violent, sur quelqu'un qui veut lui faire du chantage, n'importe quoi. Donc faut quand même qu'elle ait conscience. Mais qui veut pratiquer du SM sans la mettre au courant tout de suite, elle monte avec. Le mec qui veut faire du SM, elle va faire quoi, la fille, à 16 ans, quoi. Oui, et puis sans compter les maladies. Enfin, tu vois, après, ça, t'as des mecs, t'as des mecs. T'as pas compte de ce qu'elle veut faire, quoi. Ouais, t'as des mecs qui veulent pas mettre deux capotes, et puis que tu vas faire quoi, tu vois, le mec qui va te sortir un billet, tu vas dire bon, allez, pour compte des billets, je prends le risque, non? Bah ouais, et puis bon, après par rapport à, enfin si elle le fait par rapport à ses clientèles, elle peut aussi faire attention, parce que bon, par rapport au Polo, il disait, enfin il y a pas que des vieux dégueulasses. Moi, ma copine, non, il y a des vieux très dégueulasses. Ouais, il y a des vieux très très dégueulasses, ouais. Bah, mais rarement des beaux gosses, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah je t'assure que ma copine, elle a eu des joueurs de foot professionnels. Ouais. Ah mais oui, mais c'est leur spécialité, ça. Attends. Ouais, mais voilà. Ben donc elle a pas que dire comme ça, mais elle a eu des joueurs de foot, elle a eu des mecs qui bossent dans des grosses sociétés, qui arrivent en costard, qui donnent même même le double du prix, ou voilà, non pas tof, non, je crois pas. J'imagine la même, oui, j'ai joué. Mais non, mais elle a eu des mecs vraiment classe, elle a eu des sportifs pro, elle a eu comme ça, donc non, c'est pas que des vieux dégueulasses, après ça dépend, faut aussi. Non, mais il n'y a pas que, mais après voilà, mais... c'est pas automatique. À partir du moment où tu t'acceptes de te laisser tripoter par n'importe qui, je suis désolée, à 16 ans, quoi, comment tu peux penser, t'as un autre ami, quoi, je sais pas, prends les études, passe les diplômes, fais quelque chose. Quoi, oui, après. Tu sais, parce que ça portait d'une certaine façon. On dit oui, il n'y a pas forcément obligé d'avoir de rapport. Sauf qu'après, t'as pas du gain derrière. Et au final, tu feras ce que tout le monde fait. Tu feras pute, quoi. Tu fais ça quand t'as vraiment pas le choix. Tu sais, quand tu peux pas t'en sortir, c'est ça. C'est vraiment des métiers. Pas pour partir en vacances, quoi. Oui, pas pour t'acheter un iPhone. Ça veut rien dire. Voilà. Si tu crèves la dalle, t'as pas d'autre solution, tu le fais. Mais là, l'autre, elle a 16 ans, elle sait même pas. Tu vois, c'est un peu. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est un peu trop tôt. Donc, je pense voilà, tu. Enfin, c'est un peu trop tôt. C'est trop tôt, hein, de toute façon. Mais voilà, faut juste que tu penses pas à l'argent. Pense à un truc que t'as envie de faire et après, tu verras si ça rapporte ou pas. En tout cas, merci Sarah, merci Cédric. Bonne soirée à vous. Et vous revenez quand vous voulez. Il y aura Maxime et John qui voulaient réagir également. Gros bisous à vous deux. Vous retournez chez Valentino Standard. Maxime et John qui voulaient donner les derniers avis sur Imen, qu'on va récupérer dans quelques minutes. On va reprendre Raphaël également pour le jeu du tu pute. Et là, Raph. Oui. Ça va bien, Epernay? Ouais, ça va. Bon, très bien. Raphaël, bouge pas de là. Le jeu du tupu, on fait ça juste après le son de Charlie Black qu'on écoute tout de suite. Passez une bonne nuit sur Énergie. Oh, oh, oh. Charlie. My girl, come flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Make your bumper flip like a flipper gram, flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Y'all wind up on my body. She come back for more. She take off the shoes and pound it on the floor. Then she start to broke out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me a door, so fine up on my body. Sur Énergie, passez une bonne nuit tout le monde, il est 2h23. Cet été, Mickaël n'ira pas bronzer à Hawaï. Toff n'ira pas chez sa mère. Et Polo n'ira pas prêcher sa philosophie. Par contre, ils seront avec vous tous les jours de minuit à 3h. Sur Énergie. Et sur Twitter, Facebook et Instagram. Eh ben oui, c'est sur Mickaël officiel que vous pouvez venir nous rejoindre. Jeanne-Françoise qui dit Toff, c'est pire, il se fait payer en CD de Patrick Bruel. Rapport à la meuf qu'il a jarté il y a quelques années avec c'est un c'est scandaleux. Ouais, c'est scandaleux. Il y a Mogouv aussi qui dit une amie avait fait ça à 17 ans, un mec lui a explosé la gueule et puis à 16 ans faut jouer au Barbie, sérieux. Non mais bon, après pas spécialement ça, mais effectivement faut se méfier quoi. Bon, on va récupérer Imen là qui veut devenir escorte, John et Julien qui voulaient donner leurs avis, mais avant ça Raphaël Dépernay, t'es toujours là Raph? Ouais. Bon, très bien. Alors, Raphaël, donc le jeu du tupu, principe très simple. Tu vas choisir quelqu'un de l'équipe pour t'affronter. Savoir que si tu choisis Toff, tu démarres avec 2 points bonus. C'est scandaleux. Pour sa médiocrité, je t'offre 2 points bonus. C'est-à-dire que je suis tellement bon qu'il est obligé de donner des points d'avance aux autres. Non, tu es tellement mauvais que je lui donne 2 points bonus quand même, malgré tout. C'est ça. Pour pas qu'il ait, parce que parfois, les gens ne choisissent pas par pitié, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste comme ça, j'achète leur pitié. Enfin, ouais, c'est bon, ça. Bon, et donc, du coup, le principe très simple, on appelle des gens au hasard. Si imaginons que tu choisisses Toff par exemple, ou Polo, ou Valentine, ouais, ou même moi-même, on appelle chacun notre tour. Et le but, évidemment, c'est d'arriver en moins d'une minute à placer un maximum de fois tu pues dans une phrase cohérente. Faut pas appeler en disant tu pues. Non, faut que ça reste une vraie conversation. Ouais. Tu peux évidemment mettre des tu pues à gauche, à droite. Et attention, c'est bien tu pues. Il y a pas de vous puez, nous puons, etc., etc. Il d'accord. Ou elle pue. Voilà. On est d'accord. Ou que juste puer, ouais, ou que vous eussiez pué. Oh, voilà. C'est beau. Alors, Raphaël, tu veux jouer contre qui? Vu qu'on n'entend pas souvent, je vais te prendre toi. Eh ben d'accord. Ah, c'est bon, t'es un vrai, toi, t'es problème. Un vrai. Bah attention, si tu prends moi, c'est moins 2. Hein. Tu commences avec moins 2. Hein. Bah ça me dérange pas, hein, moi, j'ai aucun problème. Alors là, aucun problème. Mais tu as 2 points d'avance si tu veux pas. Non, mais il n'y a pas de problème. Et c'est bien, Raphaël, au moins il se met une pression supplémentaire. Bon, ok, d'accord. Et ben moi, je trouve ça honnête. Moi, j'aime bien le challenge. Et ben t'as bien raison. T'es un idiot, Non, mais t'as bien raison. Bon, après, bah du c'est coup. C'est trop facile de gagner, c'est bon ça. Ah, ben ça c'est vrai, t'as raison. Mais franchement, bravo Raphaël, c'est bien. La majorité. Moins 2 ou pas? Parce que la majorité. Ah, bah bien sûr. Étant le maître des jeux. Tout à fait. Mais la majorité des gens auraient choisi Toff par facilité. Ouais. Eh bien, je te félicite. Bravo. Bon. Ouais, bon, je trouve que tu pourrais lui donner 5 points d'avance. Non, c'est non, vrai, non, moins 2. Ouais, mais non. Bon, on y va. Tu commences ou je commence? Vas-y, tu commences. Ok, eh ben d'accord, très bien. On y va. Alors attention, on l'appelle au Canada hein, pour être sûr d'avoir des gens qui décrochent ouais. À cette heure-ci. Enfin, avoir plus de chance en tout cas d'avoir des gens qui décrochent à cette heure-ci. Alors. Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais que vous puissiez demander éventuellement à votre enfant d'arrêter de m'appeler en me disant tu pues, parce que bon, ça fait 3 fois que je décroche. Non, je dis ça fait 3 fois que je décroche et que votre enfant me parle c'est en disant tu pues. Donc, je voudrais savoir pourquoi. Dis-moi. Comment ? C'est quand ça s'est passé, parce que moi j'ai appelé la police. Ah bah j'espère bien que vous allez appeler la police. C'était il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, j'ai eu quelqu'un, un enfant qui m'a appelé. Tu pues. Il y a un moment, ça se fait pas quoi. Hein. Comment ? Quel numéro ? Ah, je sais pas, moi j'ai fait rappel sur le téléphone. J'ai pas regardé le numéro de téléphone. Mais visiblement c'est le vôtre, puisque ça dit tu pues. Non, il n'y a pas d'enfant ici, monsieur. Ah écoutez, alors là ça c'est incroyable, parce que j'ai rappelé le numéro qui m'a appelé. Hein, et ça disait tu pues sans cesse quoi. Il y a un moment, j'ai dit, faites attention, je vais appeler vos parents. Et il a dit, j'en ai rien à foutre, tu pues. Donc, je regrette, monsieur, il y a des adultes à la maison. Non, mais je veux bien que vous regrettiez, mais il y a un moment, il a quand même appelé en disant, tu pues. Et ça se fait pas. Vous avez compris? Tu pues. Top là. Et voilà, la minute étant passée. Ah ah! Alors, combien, maître des jeux, Polo? On a appelé le maître des jeux? Oui, le maître des jeux a été appelé. Eh bien, 25! Oh là là! Oh là, là. Et Raphaël part avec un handicap de moins 2 parce qu'il a voulu faire le malin. C'est vrai. Raphaël, ouais. Je te souhaite toutes les chances du monde. D'accord, merci. Mais j'espère qu'il va gagner. Tu n'as pas le droit de récupérer la technique que Mickaël vient de faire. Oui, tu peux en prendre une autre, bien sûr, n'importe laquelle, mais pas la même. Sinon, forcément, c'est un peu facile. Bon. Toi, tu parlais de l'appel. Moi, j'avais déjà eu mon idée, c'est par répondeur. Oui, après, tu fais ce que tu veux, c'est pas un problème. Pas de problème. Bon, on y va, Raphaël. C'est parti, ouais. On en appelle un autre, à ton tour. 25 tu pues à battre. Enfin 27 hein, techniquement. Ouais. On y va. Bon là je lui ai mis la pression, mais en vrai. Bon là il nous entend plus. Hein. Mais en vrai, je lui mettrai pas les deux points dans la gueule. Moi je le ferai. Ça m'étonne pas. Oui, allô ? Oui, bonjour. Je vous appelle, voilà. Je reçois des drôles de trucs qui marquent, tu pues, sur mon répondeur, voilà. Et j'ai des problèmes, je comprends pas, j'essaye de rappeler, ça marque tu pues, ça arrête pas, voilà. Je voulais savoir par rapport à vous, qu'est-ce qui s'est passé, désolé, c'est sur mon téléphone, j'ai rappelé aussitôt et... Ça me disait tu pues, j'ai pas compris le problème. C'est pour ça, voilà, je vous appelle parce que moi je suis quelqu'un, voilà, qui travaille et j'aime pas qu'on m'embête parce que c'est marqué tu pues. Et voilà, je suis quelqu'un de sérieux, j'aime pas qu'on me dise tu pues, je me lave tous les jours. Mmh. Voilà, alors tu pues, c'est manque de respect, voilà. Mmh. Voilà. Et on me dit tu pues, voilà. C'est tout. Hein. Moi, j'appelle pour dire, voilà, faut arrêter de dire tu pues. Top. Et voilà. Top, top, top, top, top, top, top. Allez, attention, voilà la minute étant passée. Une minute maximum, évidemment. Maître des jeux, alias Polo. Oui, on m'a appelé. Oui, le maître des jeux est appelé. Je n'ai fait 25, tu peux. Est-ce que Raphaël me bat? Là, il n'y a pas de moins 2, c'est son chiffre. Voilà, je les ai comptés tels quels. Ouais. Parce qu'on a décidé de ne pas lui mettre le handicap. Il n'en a fait que 15. Oh, Raphaël! Il était laminé. Laminé. Ah oui. Eh bien, j'ai gagné. Bravo à moi-même. Bravo à toi-même. Bravo à moi-même. À toi-même. C'est dommage parce que tu aurais choisi Toff, t'aurais largement gagné. Hein, ouais, ouais. Avec 15. Ah, bah, oui, mais c'est pas amusant sinon. Non, mais t'as raison, mais franchement, bravo. Et respect à toi encore une fois, Raphaël. Bravo. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. Eh ben, écoute, félicitations en tout cas, Raphaël. Même si t'as perdu, d'accord, t'as au moins participé. Et surtout, tu n'as pas choisi Toff par facilité. Et pour ça, je te félicite. Et si je t'ai déjà félicité. L'important, c'est de participer. Exactement. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, je vous remercie quand même pour l'émission et tout. Hein. Bon, écoute, avec plaisir. Tu n'hésiteras pas à mettre un petit billet. la petite, deux petits cochons. On a un cochon. Ouais, c'est clair. On a un cochon en compliment. Ah, tu n'hésiteras pas à participer. Ouais, bah non, c'est pas mal. Et là, je vous écoute jusqu'au 25 juillet et après, je pourrai plus vous écouter. Bah pourquoi? Parce que je rentre dans la gendarmerie et. Mais alors, mais j'en ai rien à foutre, c'est pas une excuse. T'es sérieux, ouais, quoi, enlever la radio. Je rentre à l'école, alors la mais journée, mais... je vais casquer et le soir, j'aurai pas trop de temps de vous écouter. Mais on n'en a rien à branler. Tu mets la radio en dormant, tu sais, c'est comme le. Il y a un effet comme ça où tu vas tout assimiler. Ouais, non, non, attends, il faut pas. Ah non, jusqu'à 2 minuit à 3h du mat, je me lève à 6h. Mais c'est pas une excuse, on a rien à foutre, nous. Il reste 3h. Non, non, bien sûr, bah écoute, y'a pas de soucis. De toute façon, on est sur les replays, tout ça, y'a pas de problème. Hein. Ah, d'accord, ouais, bah je regarde des fois les replays quand je suis pas. Bon, bah ça roule. Eh ben écoute, de toute façon, tu nous rappelles quand tu veux, t'es le bienvenu, nos malaises, ouais, d'accord, d'accord. Bon, ça d'accord, roule. Merci. Avec plaisir, salut à toi, bon Raphaël. Ciao, bye bye. Allez. On se fait des appels mal intentionnés dans un instant. On récupère John, Imen, Marc et Julien. Le Polo Show va arriver aussi. Et puis, bah, on s'écoute le son de Pink, tiens, maintenant, tiens. Allez hop, 2h32, on est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur NRJ. Passez une bonne nuit, tout le monde. Like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Cause they are all the same. Mm-hmm. See, I would rather we just go a different way than play the game. Mm-hmm. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing. About a thing. No. Just one day, why? watch this man's colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like. On est sur Énergie, passez une bonne nuit. Oubliez New York, Miami, Tahiti, des destinations de rêve. Oubliez la fête, les cocktails, la plage. Oh non ! Des destinations de rêve. On est là. Oubliez l'aventure, le sport, les vacances. C'est Mickaël sur Énergie. De minuit à 3h. Et sur Twitter, Facebook et Instagram, M-I-K-L. Officiel. Oui, et on se fait les appels mal intentionnés maintenant avant de récupérer justement Imen, Marc, Julien, entre autres. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer à Tof, n'hésitez pas évidemment, vous les envoyez sur toph@energie.com. On était sur les préliminaires apparemment, hein, préliminaires préférées des femmes. Ce n'est pas le cunnilingus, les mecs, hein. Apparemment, elles aiment qu'on s'occupe de leur sein, a priori en tout cas. Donc, bah forcément. Bah, c'est ce qu'a dit Émilie juste avant. C'est ce qu'a dit Émilie juste avant, effectivement. Donc, du coup, on vérifie grâce au numéro que vous envoyez à Tof, comme tous les soirs, toph@energie.com. Si vous avez des numéros de téléphone, bien sûr, vous les envoyez, hein, et puis nous, on les appelle comme tous les soirs. On y va en appel, 2h36 ? Allons-y. Allez, c'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir c'est quoi votre préliminaire préféré, monsieur? Pardon? Bah, sexuellement, le préliminaire que vous préférez, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Bah c'est pour savoir, monsieur. Bah t'es qui toi? Tof, monsieur, je m'appelle Tof. Eh ben, va demander à lieu, mon vieux. Bah non, monsieur, c'est à vous que je pose la question. Ça y est. Non, mais va demander ailleurs. Hein. Bon, même si effectivement, c'est à lui que tu poses la question. Bah oui, oui, c'est ça. Bon, rappel. Je crois que c'est un italien, je pense. Ou un corse, je sais pas. Quel est l'accent ? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Non, c'est moi qui ai coupé. Bah, c'est qui, toi ? Tof, monsieur, je vous l'ai déjà dit. Mais ça se fait pas de raccrocher au nez des gens comme ça, monsieur. Enfin, c'est... Oui, mais mon numéro, tu l'as trouvé où ? Bah, sur les pages blanches, monsieur. Sur la page blanche? Bah oui. Eh ben oublie-les. Bah non monsieur, vous n'avez pas répondu à la question. T'as mon adresse? Bah non, pourquoi vous voulez que j'ai votre adresse monsieur? Pourquoi? Tu veux que je te la donne? Tu viens jusqu'ici, on va discuter. Là. Bah non, moi je veux pas qu'on discute chez vous monsieur. Juste... Bah écoute, raccroche le téléphone parce que tu me casses les couilles. Je suis déjà énervé comme ça, ne m'emmerde pas parce que tu vas bien. Hein. Mais je veux pas vous emmerder monsieur, je veux juste avoir une réponse. C'est pas compliqué quand même, vous répondez à la question, on n'en parle plus. Allô? Ah, ça va, hein. On va avoir du mal avec le monsieur là. On va quand même le rappeler, hein. Il est un peu endormi quand même, enfin bon. Encore? Bah oui, monsieur, parce que vous avez pas répondu à la question, moi je suis bien obligé de vous rappeler. Mais je suis pas obligé de répondre non plus à ta question, moi. Bah si, monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. Donc c'est pour ça qu'il faut répondre, monsieur. Mais réponds enfin à mes questions, toi. Oui, bah, c'est quoi votre question? Bah, donne-moi ton nom, ton vrai nom, ton adresse et je répondrai à tes questions. Alors, je m'appelle Tof et mon adresse, c'est 22 oui. Rue, oui. Ça ira pour l'écrire, et Boileau, comme le poète. Oui, c'est ça. Et moi, je m'appelle le pape de Rome, c'est ça? Non, c'est à Paris, monsieur, dans le 16e arrondissement. Et t'as rien d'autre à faire, toi, qu'à emmerder l'autre? Ben, je vous emmerde pas, monsieur, et non, j'ai rien de... Tu m'emmerdes, écoute, ne téléphone plus parce que je ne répondrai plus, ok? Mais c'est parce allez, que je suis... Bon, non, monsieur, arrêtez d'être désagréable. Oui, oui, je suis très, très désagréable pour aujourd'hui. Si ça te chante, je te donne mon adresse, tu viens ici et je t'arrangerai la cravate. Ben, non, monsieur, je suis à Paris, je ne vais pas venir jusque chez vous. Mais Paris ou pas Paris, je m'en fous. Ben oui, mais alors répondez à la question, monsieur. Allô? Il en a rien à foutre que tu sois de Paris ou pas. Il va m'arranger la cravate. Exactement. Bon, allez, on le rappelle encore une fois. Et Dimitri Vegas, ça suit juste après. Ah, je crois qu'on l'aura dans le cul. Je crois qu'on l'aura. Hein. Allô ? Messagerie. Ah bah dans le cul. Bonjour. Eh ben voilà, c'est ce que j'avais dit. Bon bah c'est rien, c'est pas grave, c'est pas grave. On en fera d'autres dès demain à partir de minuit. Hein, si vous avez des numéros de téléphone à envoyer, surtout n'oubliez pas de les envoyer hein, sur le mail de Tof, toph@energie.com. Allez, c'est parti, on va s'envoyer le son de Dimitri Vegas maintenant sur Énergie. Il est 2h40 du matin. Comme toutes les nuits, on est là en direct avec vous. Si vous voulez participer à l'émission, bah faites le 01 40 71 5000. On va récupérer Imen, Marc et Julien. Et il y a le Polo Show aussi qui va arriver. Le défouloir. Vous pouvez vous inscrire 01 40 71 5000. On est sur Énergie. Bonne nuit. C'est Mickaël, on est sur Énergie. Je vous mets Enrique Iglesias à suivre dans quelques minutes. Il y aura Zara Larsson. Et puis, bah forcément, le Polo Show va arriver comme promis. Tu t'énerves. Tu tweets. Tu cours. Tu Facebook. Tu Instagram. Tu téléphones. Terminé tout ça. Ralentis. Prends ton temps. C'est les vacances avec Mickaël. Sur Énergie tous les soirs. De minuit à 3h. Yeah. Eh ouais, on est là justement. Et Jeanne François, ce qu'il dit, elle n'a pas plus d'ambition que ça dans la vie. À part faire le trottoir, une pute de luxe n'en reste pas moins une prostituée. Merci, oh. Jeanne Françoise. Bon, Imen, t'es de retour qui voulait devenir une escorte alors que tu n'as que 16 ans. Et il y a Julien qui voulait donner son avis aussi à Brise. Salut Julien. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va plutôt. Oui, oui, oui, on est tous là, t'inquiète pas, tout va bien. Ça va bien. Bah oui. Allez, Juju, alors tu veux donner ton avis par rapport. Je suis pas un briviste pur. Non, mais c'est pas grave, il y aura pas de balle de toute façon. Hein. Tu voulais donner ton avis par rapport à Imen. Ouais. Vas-y, vas-y, raconte. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi j'ai une petite sœur de son âge, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est que moi, enfin là, je réagis en tant que grand frère. Et sincèrement, moi, je le prendrais très, très, très, très mal. Je suis pas quelqu'un de base qui m'énerve, etc., qui va pouvoir en mettre une à sa sœur pour aucune raison, mais je pense que là, on en mériterait une bonne. Puis honnêtement, c'est ça, en fait. C'est une prostituée, mais de luxe. Oui, mais c'est ça, ouais. Et peut-être que 20 ans, hein, je suis pas comment dire, un daron, hein. Mais enfin, moi, personnellement, je me rappelle, à mon âge, des filles de 13-14 ans, tout ça, elles avaient pas ce délire d'aujourd'hui, tu sais, d'être superficielle, etc., de penser à l'argent. Mais comme c'est ça, pas vrai, Julien, c'est pas vrai, il y en avait. Il y en avait aussi, ouais. Tu t'en rends pas compte, mais il y en avait. Il y en avait, sauf qu'aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, elles ont plus honte de s'afficher parce que ce que je disais tout à l'heure avec Toff, aujourd'hui, il y a des meufs qui ont fait jurisprudence, des meufs comme Zaya, comme Nabila, etc. Ouais. Et c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que des filles qui, à 15 ans, à 16 ans, qui ont voulu faire ça, ça a toujours existé. Ouais, c'est ça, mais j'allais en venir, justement, c'est ça. Après, il y a le problème de la télé-réalité, tout ça aussi. Ouais. Les Nabila, les trucs, les Zaya, tout ça, et tout ça. Et le truc que j'ai cru comprendre, il mène en plus. Après, il y a rien de religieux là-dedans, mais c'est musulman, j'imagine même pas façon père, quoi. Attends, on n'entend rien parce que tu parles dans ta barbe, Imen. J'ai dit vraiment, Imen, c'est musulman, mais en fait, je suis pas du tout musulmane. D'accord, ok. Mais bon, enfin, voilà, moi, mon avis en tant que grand frère, c'est ça. C'est sincèrement, enfin, à 16 ans, enfin, je vois que t'as l'air vraiment intéressé par l'argent, en fait. Tu le dis clairement, quoi. Voilà, c'est pour faire de la thune, ta copine, voilà, elle monte ses billets, etc. et tout. Mais voilà, enfin, t'as d'autres façons de faire de l'argent. Moi, j'ai voulu faire de l'argent l'été, bah, j'ai travaillé dans la restauration. Voilà, après, c'est autre chose. Mais enfin, à 16 ans, faut surtout pas penser à ça, quoi. Enfin, mais ouais. Et tes vieux, ils disent quoi, Imen? Tu imagines que tu leur auras pas parlé, mais. J'en parle clairement avec ma mère. Non, mais en imaginant qu'ils tombent dessus, ils diraient quoi? Ouais, il y a un CAP qui existe. Non, mais Imen. Ouais. Ça s'appelle Secret Story. Qu'est-ce qu'ils diraient, tes vieux? En fait, je les vois pas, c'est ça. Ah. Tu les vois jamais? Non, je suis en foyer. Ah, bah oui. Ah, ok. Attends deux secondes, il y a Marc qui est avec nous aussi. Oh. Salut Marc, dans le t'appelles d'où? Du Puy-en-Velay. Du Puy-en-Velay, oui. Bah, bienvenue à toi, Marc. T'avais aussi un petit conseil à donner à Imen. Ah, je trouve qu'elle est bien jeune pour faire ça. Moi, j'ai 41 ans. Et c'est vrai que je vais voir souvent les escorts, mais je ne les pas si jeune que ça, quand même. Malgré que j'aime les sketchs trop jeunes. Bah, tu les prends à quel âge? Bah, en même temps, voilà, ça suffit quand on est majeur, au moins. Ouais. Après, c'est bonjour les problèmes. Bah, oui, même, bah, non, mais c'est surtout que, oui, bah, après, c'est pas légal, hein, de toute façon. Hein, en dessous, voilà, de temps, déjà, c'est pas légal, puis même pour la fille, à 16 ans, ça fait jeune. Quoi. Non, franchement, ouais. Et même moi, aujourd'hui, je pourrais pas coucher avec une fille même de 18 ans. C'est trop jeune. Si, 18 ans, c'est. Mais non, mais attends, mais. Si, ça c'est encore frais, c'est encore bien serré, c'est mais bien. C'est pas la question, tête de con, quoi. Non, mais après l'âge, personnellement, l'âge, quand je demande aux personnes dans la rue, j'ai quel âge pour les personnes, j'ai 18 ou 19 ans. Oui, mais peu importe. Oui, oui, non, mais après, d'accord. Oui, mais nous, on le sait, nous, on connaît la vérité. À la limite, on peut t'emmener aller voir Dory ou Nemo au cinéma, puis t'offrir un paquet de popcorn, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Non, on rigole, Imen, mais voilà, tout ça pour te dire que, hormis, en fait, c'est même pas la question de l'âge ou quoi que ce soit, que t'es trop jeune ou quoi. C'est juste que c'est pas un métier. Mais oui. Tu vois, c'est voilà, je peux après, comprendre. Après, je voulais en faire mon métier. Non, mais même, non, mais en fait, tu vois, c'est un entre guillemets un métier, façon de parler, que tu peux concevoir si vraiment t'es en galère, etc., que t'as besoin d'argent, etc. Mais tu peux pas faire ça pour des vacances ou pour te payer un téléphone ou quoi, ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Après, encore une fois, tu fais ce que tu veux, Imen, hein, je suis pas ton père. Ouais, mais voilà, tu nous as appelé pour demander des conseils, donc finalement, tu les as. Mais voilà, c'est pas un truc que tu fais comme ça, à la légère, juste pour te dire, je vais me payer des vacances, je vais avoir un peu d'oseille d'avance. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc voilà, bon, écoute, après, Imen, la balle est en ton camp, hein, Brian, fais ce que tu veux. Hein. Non, mais il y a le regard de l'entourage, surtout, quoi. De quoi, Marc? Est-ce qu'il y a Marc? Je comprends pas parce qu'il y a Julien qui rigole tout seul. Non, c'est moi qui rigole. C'est Marc qui rigole. Ah, c'est Marc qui rigole. Alors, du coup, j'ai pas compris ce que Julien disait. Je disais, il y a l'entourage aussi. Enfin, je suppose que, à un moment donné, ça vient à se savoir. Enfin, c'est obligé. Et puis, tu pourras rendre fière personne autour de toi. Personnellement, à 16 ans, l'été qui arrive, ouais, c'est vrai que tout le monde aime être en vacances, mais tu serais plus fier au final de te dire que tu as gagné de l'argent en ayant bossé, en ayant trimé, entre guillemets, comme tout le monde, d'avoir mérité ton argent, que de faire ça. Ok, c'est bien, 2000 balles par semaine, tu dis ta copine, je sais pas quoi, mais enfin, ça va pas, ça ne dure qu'un temps, ça, et j'ai du mal à comprendre comment on peut réagir comme ça. Ouais, et puis le jour où le fisc va taxer ça, t'es foutu, hein. Mais je crois qu'il taxe déjà. Pas les cool girls, enfin, pas les, En France, pas. En France, c'est interdit, donc il peut pas ouais, le taxer, c'est, mais. Ouais, c'est ça. Ce qui est grave dans l'histoire, c'est que sa copine de 16 ans le soit, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Ça, c'est bon, en tout cas, merci Marc et merci Julien, hein. T'as pas de soucis, bah, je vais passer une petite dédicace si c'est possible. Bah vas-y, profite tant que t'es là. Rien à voir avec le sujet en fait, c'est une petite communauté en fait en ce moment qui fait un petit peu le buzz sur Twitter. Je sais pas si on a entendu parler, d'ailleurs si tu tiens à faire à un moment donné une émission sur ça, pourquoi pas, il y a débat à faire, je pense qu'il y en a des émissions à faire de radio sur ce sujet. Dis-moi. Il y a la communauté Michael Comeback Please en fait, je sais pas si on a entendu parler. Non, pas du tout. Bah, c'est un hashtag sur Twitter en fait qui réunit pas mal de gens en fait qui pensent que voilà c'est qu'il n'est pas mort en fait et voilà c'est juste en fait. Mais il dit que c'est Michael Jackson parce que là tu dis Michael. Ouais mais oui, voilà. Mais non, mais oui, bon, bah après, on va pas lancer le débat, mais effectivement, on pourrait, mais, cela dit. Mais on peut dire la vérité à tout le monde, Michael Jackson n'est pas mort. Voilà, c'est ça. En fait, il habite avec Toff chez Maryse. Voilà. Voilà, il s'est aménagé à Dilbeek et voilà, il habite là-bas. Il est chez Jawad. Non, ouais, voilà, c'est ça, il est chez Jawad. Ouais, c'est bon, ils ont la garde alternée. Exact. Bon, en tout cas, merci Julien, merci Marc, vous rappelez quand vous voulez tous les deux. Y'a pas de problème. Ouais. Salut à vous. Ouais. Je parle à Imer en privé ou pas? Tu veux parler à quoi, à Imen? Non, tu lui parles pas. Tu vas faire quoi, Marc? Tu vas faire de la merde avec Imen? Oui. Non, est-ce qu'on peut se rencontrer? Non, pas du tout. Je suis pas comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux lui dire? Non, mais discuter comme ça pour essayer de voir si on peut lui faire changer d'avis. Bon, je pense que t'as changé d'avis ou pas, Imen, ou tu vas faire de la merde? Franchement? Ouais. Franchement, là, je sais pas, je suis perdu. Bon, bah écoute, réfléchis encore. On te rappellera, Imen, pour voir, d'accord? D'accord. Bon, on fait comme ça. Bon, gros bisous en tout cas. Merci Marc, Imen, gros bisous à toi. Et puis, vas-y. Bah, déjà, dédicace à tout Kishi, Sanzion, Berge, Quartier Nord, tout le monde. Enfin, tous ceux qui m'ont reconnu en tout cas. Il n'y a pas de problème. Ah bah, c'est pas utile. Bah, maintenant, comme ça, le message est passé, ouais. Bon, allez, gros bisous, Imen, je t'embrasse, à bientôt. Bisous, au revoir. Ciao à toi, Imen, et merci d'avoir appelé, tiens. 2h52, on va s'écouter Zara Larsson juste après, c'est le Polo Show, comme toutes les nuits, on est en direct, hein. Vous n'hésitez pas, pardon, vous nous appelez. Faites le 01 40 71 5000, on écoute le son de Zara Larsson maintenant sur Énergie. You as you left, but I can never seem to let you go. 'Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. We both end up here, but everything seems so right. Oh, I wonder what would happen if we went back and put up a fight. Oh, 'cause once upon a time you were my everything. It's clear to see the time hasn't changed a thing. So, in this world, do you think you'd ever take you off my mind? I will never forget you. You always. Something special with you. But sometimes you just gotta know that these things fall through. But I'm still tired and I can't hide my connection with you. Feeling it, loving it, everything that we do. And all along I knew I had something special with you. Et il est 2h56, on est sur NRG. Et du coup, bah, comme on fait minuit 3h, bah, le polo show aussi est avancé. Hein. C'est vrai. C'est le polo show, c'est maintenant, c'est le défouloir. C'est une promo. 0140-111-5000. Ladies and gentlemen. J'avance, je gratte petit à petit. Je suis ta mère. 0140-111-5000, bienvenue dans le Polo Show, vous êtes sur Énergie, avec Michel à l'arrière. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je voulais vous dire que je serais peut-être pas là pendant tout l'été parce que mieux. J'ai des vacances à prendre. Et bah, félicitations, bravo. Donc, voilà. Et bah, prends-en une double ration. Et bah, parfait. Ça nous fera du bien, merci. Et bah, bravo. Et bah, merci, tu vois, pour une fois que t'as fait un truc intelligent, et Michel. Merci, hein. Christophe et Valentoche sont au standard, n'hésitez pas à les appeler au 0140-111-5000. Ibra, on t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Arrête de ouais, qu'est-ce que tu veux? Oh, bon, Polo, demain on est. Dégage. Ryan fait du spectacle, ouais. On n'est pas là pour faire du spectacle. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça va, Polo? Qu'est-ce que tu veux? Je t'encule bien comme il faut. Hein. Avec plaisir, quand tu veux. Eric de Monfion, t'écoute. C'était pour rire, commence pas à t'exciter, Monfion. Non, mais je voulais dire un truc. J'avais fait un travail d'été l'année dernière. C'était ébéniste. Qui a fait ça? Oculiste, moi. Ouais. Ébéniste ou oculiste. Ça veut dire quoi? Non. C'était parce que je faisais des lunettes en bois pour les chiottes. Tu faisais quoi? Des lunettes en bois pour les chiottes. C'est vrai? Ouais, ébéniste ou oculiste. Eh ben c'est bien. Voilà, c'est beau. Ouais. Il rigole, je comprends pas la vanne, mais si ça le fait rire. Si t'es heureux, mon fion, tout le monde est heureux. Wesley! Ouais, ici là. Un dégage. Fabien de Cambrai. Ouais, bah écoute, moi j'ai envie de fister Eric. Mais tu le fais vraiment ou pas? Ouais. Attends, je te le passe. Eric, il y a quelqu'un qui veut te parler. Cambrai, parle-lui là. On que de la gueule. Ouais, Eric. Ça va, Eric? Oui, ma part. Ça va, ma petite copine? Oui, t'es où? C'est quand que je te fiste? Quand tu veux. Ah bah écoute, quand tu veux aussi, hein. Bon, d'accord, ça peut. Non, mais arrête de quand tu veux, Cambrai, là. Donne-lui une date, fais quelque chose, soit. Ouais, soit concret. 28 juillet. D'accord. Bon, Fabien de Cambrai. Ouais. Dégage. Twixer, on t'écoute, bienvenue dans le Polo Show 0140-111-5000. Ouais, maintenant j'ai un petit billet, il traînait, si jamais tu as compris. Qu'est-ce que tu peux, tu racontes quoi, là? La gadjie, là. Dégage, Starguest, on t'écoute. Ouais. Alors j'écoutais là votre auditrice là, apparemment elle veut du billet. Bah non. Qu'elle vient chez moi, elle va en avoir du billet. Mais Starguest, t'as pas d'argent? Ah bon, j'ai pas d'argent? Bah non. Action, reculé, à bas les taxis, vive les mères, toi. Bien sûr que si, j'ai de l'argent, je viens de vendre la mère à Michel. T'as un clochard, t'as pas d'oseille, clochard. Mais ta mère, c'est une clocharde aussi, je l'ai vendue, t'as vu. Après lui avoir mis deux bottes dans le cul. Mais qui se ressemble, ça semble, clochard. J'ai mis deux bites dans le cul à ta mère et elle a fermé sa gueule, salope. 0140-71-5000. Yacine, on t'écoute, bienvenue dans le Polo Show, qu'est-ce que veux-tu? Yacine, mène-toi là. Je sais pas où il est, c'est bizarre. Damien, on t'écoute. Ouais, man, si tu veux, dans dégage, JCVD. Ouais, Target, ferme ta gueule, va rejoindre les Espagnols avec Rocher Jambon, tête de l'huile. Bon, c'est tout, JCVD. D'accord. Éric de Montfion, on t'écoute, le retour. Ouais, je pourrais être la call girl de Stargaz dans son taxi de merde, là, il pourrait m'amener partout. T'es prêt à prendre combien, là, mon fion? Oh, son tarif sera bien, là, mais j'espère que c'est pas une poubelle, son truc d'Uber, là. Ah ouais? Ouais. Bon. TGV 44. Ouais, Polo, ouais. Ouais, un petit coup de gueule. Vas-y. Pour toutes les michetonneuses de France, avec tous vous faire enculer, bande de putes. Oh là là là là là là là là là. Polo! Monsieur oui. Polo, ouais. Ouais, Polo, dis-moi, là, j'ai deux places là, pour aller voir la première partie, enfin le concert de Michael Jackson, le retour. Ouais. Avec Elvis. Combien? Ben, combien tu le donnes? Tu viens quoi? Mais bien sûr, je vais y aller. Tu me prends pour un. Est-ce que tu m'as pris pour une truffe? Ben non. Mais alors pourquoi tu viens me prendre pour un con là avec tes places? Ben je sais pas, il y a l'autre là qui croyait que Michael Jackson était pas mort. Il croit ici qu'il veut. Hein? Et puis c'est pas croyer, ouais, c'est croire. Il croit ce qu'il veut. Ouais. Hein, ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors dégage. Vabis. Ouais, Polo, comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah, c'est quoi ces gars dans ton polo show là, putain? Est-ce qu'il suffit que je parte et là tu recrutes des niveaux? Laisse tomber, c'est des bébés les gens là. C'est quoi ça qui retourne tous se coucher? L'autre, il appelle pour vendre des places, espèce de kéké boy. Quoi. En plus, c'est même pas parler la France. Et puis l'autre, tu veux toujours se faire fister le monfion là, putain? Ah, mais lâche pas, hein. On dit qu'on change pas une équipe qui gagne, mais putain, franchement, là, laisse tomber, ça va plus, ça. Eh ben, tous les gazelles, là. Mais y'a personne. Putain, à part Target, on n'entend plus personne. Eh ouais, c'est la vie, Vabis. Mais puis l'autre, il veut fuster la mère à Michel, là. Mais attends, mais qu'il arrête, Kéké Boy aussi, il retourne à la branlette, va sur YouTube. Mais les gars, vous êtes pas là, t'es pas là, Vabis, allez, casse-toi. Michael, on t'écoute. Ouais, frérot. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, frérot, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Grosse dédicace à Paulin. D'accord, c'est tout? Ouais. Message est passé, Julien, on t'écoute, bienvenue, 01 40 71 5000. Ouais, Polo, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Bon, dis-moi, déjà, ils sont chauds ce soir, là, les auditeurs. Et juste dire un truc, c'est à l'auditrice, hein, qu'elle fasse pas n'importe quoi, parce qu'elle va gâcher sa vie en donnant son cul à n'importe qui, voilà, c'est tout. Ouais. Mais écoute, bonne Julien, soirée. C'est un peu chacun sa life, hein. Ouais, mais bon, tu vois, là, 16 piges, à 16 piges, je pensais comme ça, c'est pas terrible. Polo, ah, tu vois, imagine que c'est ta fille. J'ai pas de fille. Tu vois. Non, mais supposons, tu vois, c'est... Non, je sais, Julien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est en France, on a des diplômes gratuits, voilà, quoi. Ouais. Ok, je sais, Julien. Je sais. Merci, Julien, pour ta participation. Bilou, on t'écoute. Ouais, Polo, ouais, tu diras à l'autre TGV, là, qu'il est vraiment naze avec ses blagues à la con. Bon allez, dédicace à Thomas et puis tous les routiers de la night et puis à Fred aussi. Message est passé, Eric de Montfion, t'écoute. C'est la grosse bite à Uber. Tu deviens drôle, Eric, continue, Mathieu. Allô? Ouais. Ouais, je baisse la mère à Michel. C'est tout? Ouais. Ok, vous êtes dans le polo show sur Énergie, 01 40 71 5000, Michel à l'area. Ouais. Christophe et Valentin sont au standard. Oui. Starguest, on t'écoute. Eh ben ça tombe bien, on est deux maintenant à la baiser la mère à Michel. Dis-moi l'autre connard. Mais va te faire foutre, sale taxi. Oh ta gueule. Dis-moi l'autre connard là, Vabis, là, apparemment, soi-disant, il est parti, il est pas là. Mais mec, on va pas t'envoyer un fax pour que t'arrives, hein. Fax. T'es là, t'es pas là mon gars. Bon, et Eric de Menton. Moi c'est pas Uber. Je vais t'expliquer un truc, moi c'est pas Uber, moi c'est taxi. Moi, c'est pas taxi voleur. Moi, c'est taxi tout court. Les Uber, je leur mets ma bite dans leur cul. Salope. D'accord, Stargate. Merci pour ça. Mike, on t'écoute. Que veux-tu? Ah ouais, Polo, je t'encule bien comme il faut. Mais parfait. Bien comme il faut, Polo. D'accord. C'est ton petit plaisir, là? Ça te fait plaisir? T'es content, Mike? Bah, je suis content. Mais grand. Eh bah, ça me fait plaisir, Mickaël. Sam le Niçois. Ouais, Polo, ça va? Ouais. Ouais, deux choses. J'ai un pour faire un grand hommage au chauffeur qui a eu l'accident sur l'autoroute A7 et vendredi soir. Ouais. Et puis, Stargate, les billets Monoprix, ça sert à rien. Arrête d'escroquer tes clients, s'il te plaît. On t'a capté maintenant. D'accord, le Niçois. Monsieur Montfion. Ouais, Stargate, il n'est pas taxi en vérité. Plus il joue des caravanes, je sais pas ce qu'il vend. Oui, Clodo, peut-être il est Clodo. Quoi, tu le connais, Eric? Non, mais je sais pas, il sent la connerie. Tu vas faire quoi pendant les vacances, Eric? Oh, je vais sûrement aller à la pêche, moi. Comment ça, tu vas aller à la pêche? Ouais, je vais aller à la pêche au thon, j'ai acheté des capotes à la mayo. Ouais. Voilà, je vais me démerder. Je sais pas, je vais m'occuper. De la musique, mon gars, de la musique. Super. Jordan? Ouais, j'ai envie de niquer d'un coup, moi, ce soir. Je comprends rien ce que c'est, bah, apprends à parler correctement. Fabien? Ouais, Target, il ferait mieux d'aller au chômage, hein, je te le dis, parce que putain, avec la voix qu'il a de PD. Non, mais ça veut rien dire, c'est pas bien de dire ça, faut pas dire ça, c'est homophobe. Fabien? Oui? Ça veut rien dire ce que tu dis. Oui, bah écoute, je parle si je veux, d'accord? Et non, mais je t'ai pas dit, non, tu parles pas si tu veux, tu parles si je veux, et ça veut rien dire. Tu vois, viens, pourquoi tu dis pas un truc intéressant? Je sais pas, aujourd'hui t'as cueilli des champignons ou un truc que t'as fait, tu vois. Pourquoi tu viens agresser Stargaze comme ça, gratuitement? Bah, tout le monde est sur la voie Stargaze, donc moi c'est pareil. Ah, donc tu fais comme tout le monde, toi? Ouais, bon. Pas un mouton, mais... Super, tu vois, au moins on a réussi à tirer quelque chose de cette conversation inutile. Damien? Ouais, Polo? On t'écoute. Ah, tu sais que c'est les soldes d'été, là? Ouais. Ah, il y a Jacky et Michel, ils sont à moins 70% sur les pipes, là. Ça va leur faire plaisir. Allez, bisous. Bisous, Damien. Yacine? Oui, je suis attends, je sais pas qui est-ce qui crie Yacine, mais vous devriez rajouter plus de... Tais-toi, je parle. Vous devriez rajouter plus de N et de S, parce qu'il n'y en a pas assez, là. Vas-y, Yacine. Oui, Guillaume, je suis là pour deux choses. Il n'y a pas de Guillaume, tu t'es trompé, reviens demain, parce que c'est pas Guillaume, là. Il commence plutôt. Starguest. Ouais, dis-moi, l'autre Fabienne, là, elle dit que j'ai une voix de PD. Ta mère, elle dit que j'ai une voix de PD. Bah, qui a demandé à sa mère, elle sait que je suis pas PD. D'accord, mais c'est pas grave, Starguest, c'est pas une insulte, hein. Kevin? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? J'ai 130 euros pour l'auditrice, elle me fait quoi? Dégage, y a rien, arrête de. C'est pas drôle. Wesley, conclusion, on se barre, y en a marre. Ouais, ici le coco en direct des croisettes du monde. Je comprends rien, Wesley. Eric de Montfion, conclusion, on se barre. Bon, ok, mais je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais déménager bientôt. Je vais dans les cartons. Alors, tu vas déménager voilà. Où? Je trouve un plus grand appart. Ah, bah c'est cool. Bah c'est bien. Tu nous invites pour la crémaillère? Mais bien sûr, tout le monde dans mon cul. Allez, venez. Quentin, conclusion, on se barre. Ouais, moi, je voulais faire un dédicace. On s'en fout. Atek. Ou Alec. Ouais. Alec. Ouais, salut, Polo. Quoi? Comment tu vas? Ça te regarde pas, dégage. Stargaze, conclusion, on se barre. On ferme la boutique. Ouais, j'ai 2 euros. Il mène, c'est quoi? Starguest? Ouais. Sois un peu plus intelligent. Tu vas te les mettre dans le cul, tu vas kiffer. Hein? C'est ta mère, en plus c'est pour l'argent que j'ai vendu à ta mère, attends. Allez, dégage, Starguest. Ainsi se termine le Polo Show, on vient demain, les gars. En forme. Maman, tu vas mourir! Moi j'accumule mon poutou sur le cul de ta mère, fils de pute. Je dirais Starguest. En plus. Ils sont canadiens. On va le remettre. Moi j'accumule mon poutou sur le cul de ta mère, fils de pute. Ah, c'est vraiment dire Starguest. C'est un des amis de toi. Hein. Et toi ton nom, c'est enculé. Oui, oui. Allez, passez une bonne nuit tout le monde, 3h08 sur Énergie. Je vous laisse maintenant avec le son de Enrique Iglesias. Si on revient demain à minuit, on sera de retour en direct. N'oubliez pas la PS4 ou la Xbox à gagner sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous tapez M-I-K-L officiel. Allez, bonne nuit. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, que sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Un beso